Retro Nouveau. Hey! Salut tout le monde et bienvenue à ce 100e épisode de Retro Nouveau! On s'est rendu! On s'est rendu! Vivant! Ouais. Colin! Ouais, enfin le 100e épisode de Retro Nouveau, puis on vous prépare quelque chose de vraiment... vraiment intéressant ce soir. Ouais, ouais, ben ils l'ont déjà vu, ceux qui ont vu à Bannière. Ceux qui ont vu à Bannière l'ont vu, sinon ceux-là qui nous écoutent de Thetford puis qui n'ont pas l'Internet. Ouais. L'ont peut-être pas vu. C'est vrai ça. Fait que JF annonce ça, c'est quoi qu'on fait à soir? Donc ce soir pour l'épisode, nous allons faire le top 25 de Rétro Nouveau of all time! Malade. Fantastique. Yeah. Fait que les 25 meilleurs jeux selon nous. Ouais, c'est ça, ouais. C'est selon nous. Hein. Ouais, fait que, ouais, c'est ça. C'est, faut pas que les gens pensent que c'est les 25 jeux de tous les temps selon les specs techniques, selon IGN. C'est ou selon le bon plaisir des membres de Rétro Nouveau. Exactement. Tout a été un mélange de l'importance historique du jeu, mais aussi nos choix personnels. C'est l'ADN de Rétro Nouveau. Ouais, on t'entend. Ah oui, on t'entend. Je vais le booster. Ouais, j'entends. Boost Mario. Ben, c'est ça, dans le fond, chacun de nous a fait à peu près un top 20-25, là, même si on aurait pu aller, Chris, facilement. Ça aurait pu chacun aller loin, top là. 50. 73. Ouais. Ah ouais, ouais. Ben, ouais. Puis, dans le fond, on a chacun envoyé quoi, un top 10? Ouais. Fait que ça fait 40 jeux total. De ces 40-là, des points ont été attribués par rapport au positionnement. Exact. Puis, ça l'a créé un top 25, dans le fond. Ouais. Avec lequel je suis crissement pas d'accord. Des fois, souvent. En fait, on est tous un peu pas d'accord. Non, on est tous un peu pas d'accord. Beau, c'est ça la beauté de la chose. Ouais. Vu qu'on est tous très différents au niveau de nos goûts, mais quand même similaires à certains aspects, ça donne un top très varié. Oui, c'est très varié. Puis, à noter que là, on fait le top 25 ce soir, mais on a encore... on a encore un but avec tout ça, de faire un top 100 aussi. Ah oui. On voulait le faire pour l'épisode 100, mais on se disait que ça serait probablement l'épisode podcast le plus long et emmerdant au monde. Mais hein. Parce que là, 100 jeux, man, tu lâches à 70, t'es plus capable. Ben oui, imagine rendu à 37, le monde. Alors, c'était lequel, donc, 83? Ouais, c'est ça. Ben aussi, l'énergie, tu sais, et le numéro 1. Ouais, non, c'est ça. À la fin, là, on serait vraiment... Ouais. Bon, on a fait une générale où, genre, je disais... 199, Domino disait 99, Dom disait 98, Mario 97, et vice versa. On se passait à Puck demain. C'était pas super. Tu sais, au niveau du pilote, ça a échoué. On s'est fait lancer des œufs pourris. Hors TV nous a envoyé chier. Exact. Catherine Pagana. Qu'est-ce que c'est ça, cette cochonnerie-là? Même elle, rien de nous autres. Ouais. Fait qu'on va le faire sur le blog, finalement, le top 100. Ouais, on va probablement le faire sur le blog. Ce sera le top 100 of all time! Le jouet de GM. On va aller faire les échos sur la console. Il est malade. Fait que c'est ça. Fait qu'on va commencer ça direct maintenant pour pas bretter dans le manche. En fait, hey, c'est vrai, moi j'avais quelque chose avant de commencer. Il y a des critiques qui attendent à cause qu'on a eu l'épisode, les multiples épisodes de Switch à cause du lancement. Et aussi, on a ce soir le 100e épisode. Mais s'en viennent pour moi les critiques de Ghost Recon Wildlands, Old Boy, 8 Days, Snipper Clips, 1-2 Switch. Fait que tout ça s'en vient. Même Nicolas en a une à faire. Mario, il me semble, t'as quelque chose à faire, je me souviens plus. Mais c'est ça. Bref, prochain épisode qui est la semaine prochaine, on va tout faire ça, les critiques, puis on va tout battre et ça va être fantastique. Un épisode jammé. Ouais, on va se mettre à jour. Ça va être... du gros rattrapage. Ben, on était en semaine de relâche aussi. On était chacun de notre bord en vacances avec les kids ou plus ou moins. Mais en fait, moi, oui. Non, moi toi aussi. Avec. Ouais. Nick, non, parce qu'il travaille tout le temps. Ouais, exact. Mes enfants sont pas encore en relâche, c'est ça? Ouais, exact. Il n'y a pas de répit. Ben, alors, absolument. Mario, ben, pas encore. Ça s'en vient. Non. Mario, c'est quand que ça arrive. C'est Mario, des beaux petits 35 heures par journée à Zelda. Ouais, c'est ça. Hein? C'est comme, Mario est en ligne. Mario est en ligne. On t'a souhaité finir Mario ça. Mario est en ligne. 35 heures quand le bébé arrive. Il trouve un 10 heures, 11 heures. Mario, c'est un magicien. Chez Arcade Montréal, mais... Je trouve des moments pour jouer aussi. Ouais. C'est incroyable. Et avoir un cochon vedette en plus. Ouais, en plus, ton cochon fait les manchettes. Il fait la fureur sur le bloc de promenade maçon. La rue maçon, enflammée. On leur a demandé d'enlever la photo parce que c'était juste notre devanture et notre terrain. Ah. C'est déjà des curieux. Puis ils nous répondent comme super bêtement, ben il n'y a pas de façon de reconnaître votre maison, puis c'est pas un terrain privé. Je suis comme, tout ce qu'on voit dans la photo, c'est ma maison et mon terrain privé. Ben oui. Enlever la photo. Exact. Il aurait fallu demander. Ben c'est la première chose qu'on a faite. On a demandé, puis vous nous obstinez. Donc, je tenais à sortir ça. J'avais ça sur le cœur. Voilà. Bon. Colin. Ils nous écoutent. Ouais. Maintenant, ils vont enlever la photo. Voilà. Puis juste dire pour les Patreons aussi tantôt qui ont écouté le pre-show, on a eu des problèmes techniques, ça n'arrivera plus, je m'excuse là. Ouais. En effet. Il y a eu des fenêtres qui étaient ouvertes de YouTube qui faisaient qu'il y avait de l'écho comme qui se dédoublait non-stop exponentiel là. Ouais. Comme un miroir devant un miroir. C'est ça, mais ça fait ça avec le son pendant un bout, fait que ça n'arrivera pas. Au moins c'est pas arrivé pendant le show, mais les prochains. Mais je me demande ce que le monde a pogné parce que j'ai parlé très longtemps. Ben ils ont tout pogné quelque chose. Il y a eu ça au début, puis un petit peu vers la fin quand je faisais des tests, mais il y a peut-être un 3 minutes qu'on a manqué au début. Ouais. Moi j'étais arrivé 15 minutes avant la fin, puis mon micro était fermé. Pourtant, j'ai parlé, j'ai tout dit, des grands secrets. Ouais, t'as dit plein d'affaires, Colin. Tu vas l'entendre Bruno répondre dans le vide à quelqu'un. Oui. Ben, c'était moi. T'avais enfin révélé ton numéro de Paget en plus, live. Exact. Pour l'or gris. Mon Paget, la batte bleue que j'ai gagné dans un bar à Québec. Ça, c'est pas des jokes. J'ai vraiment gagné ça. Ah ouais. Wow! Hey, c'était une promotion, ils donnaient des pages aux gens. Okay. Pas tout le monde, mais on était trois chums et on a gagné. Deuxième prix, c'était un fax. Dans le fond, la gamique, c'est que tu recevais un page quand il y avait un party, la batte bleue, là, pas loin. Ah là, oui! Ben, tu sais, man, j'étais comme le mardi matin dans un cours à l'université. Fais un page. Que c'est ça, t'as parti? Il y a un party, la batte bleue. Mardi matin. À midi, tu sais. Ah non, c'était n'importe quoi. Wow. 90% du monde qui a une page. Drôle d'idée, en tout cas, j'avais un page. C'est un alcoolique. T'es cœur, man. Ça me servait à envoyer des messages codés à ma blonde à distance dans ce temps. Oui. Ben, t'as ça, ou avoir l'air d'un galouche. Ça veut dire que je t'aime. Je t'écris un, ça veut dire que c'est. Ouais, tu peux faire boobs aussi, pareil, comme sur une calculatrice. Oh shit, je le savais pas. Je pensais qu'on ferait juste faire le soleil. Ouais, c'est ça, 8-0-0-8. Comme le journal avec un 5. Le soleil. Ouais. Un 5 au début pour faire boobs avec un S. Ouais. Oh, plusieurs. Voilà. C'est un signe égal aussi, ça tourne. Avouez que vous êtes content d'avoir entendu ça, épisode pour écoutez la boucle infinie pour d'autres astuces intéressantes comme ça de Jean-François. Exact. Si tu mets un 5 à la fin de 8-0-0-8, ça fait boum. La boucle infinie, c'est le podcast dans lequel je suis le moins cohérent. Là. Ça n'a pas de bon sens. Colin. Ouais, on salue Élie, Vessie, Rodrigue en passant. Yes. OK, fait que on va partir ça avec la 25e position parce que sinon, on finira plus nous autres. Allons-y. Des intros, on aime ça. On fait le top 25 à 11 avant la pause, en fait. Yes. OK, fait qu'on passe ça. 25e position, c'est moi qui l'ai choisi, c'est Grand Theft Auto 5. En fait, Grand Theft Auto, quand le troisième est arrivé, moi, j'ai vraiment été épaté par ce jeu-là. Je pense que personne n'a pas été. Ça a vraiment révolutionné le monde du jeu vidéo. Surtout quand tu considères Grand Theft Auto 1 et 2, qui étaient comme pratiquement tout le monde en fait que je connais, ont joué quand ils ont joué au troisième. Ils ont vu le 1 et 2 sur PlayStation. Puis ils ont fait comme « Oh, crime, ça existait ». Mais non, ça a vraiment révolutionné le monde du jeu vidéo. T'sais, je dirais que j'ai passé proche de Met Vice City. Mais avec la grandeur, la qualité du script, des personnages, des missions, avec la qualité du online aussi, qui est un jeu qui arrête jamais d'évoluer, et ça, gratuitement la plupart du temps, encore aujourd'hui. Ouais. Puis il y a vraiment un très grand respect pour le fanbase de GTA. C'est vraiment, ils ont des fans dédiés qui vont jouer en ligne puis qui vont faire durer le jeu sans arrêt. Puis c'est une campagne que j'ai faite deux fois de suite parce que je l'ai trouvée vraiment excellente. Avec différents personnages auxquels on joue en même temps. Ça, c'était un peu la première fois que moi, j'ai expérimenté ça, en fait, de jouer la vie de plusieurs personnages dans un sandbox comme ça. J'avais jamais vu ça. C'était bien intéressant. Puis Trevor est un de mes personnages préférés de tous les temps. C'est le redneck le plus incroyable qu'il y a eu dans le jeu vidéo. Là. Il est vraiment fantastique. Le storytelling a vraiment atteint un autre niveau avec ce Oui, hein? le cinquième jeu. Puis, tu sais, c'est vraiment... ce que je trouve le fun, c'est que, tu sais, Grand Theft, il y a tout le temps eu un côté boboche dans Grand Theft. Soit c'était le... Tu sais, le driving n'a jamais été vraiment bon dans cette série-là, tu sais. Là-dedans, ils ont quand même bien réussi. Le système de tir aussi est vraiment bon dans celui-là. Ils ont ramené les heists aussi où on peut faire des vols de banque puis tout ça, qui était vraiment cool, tu sais. Ils ont ramené des choses qu'ils avaient enlevées dans le quatrième, qui étaient un petit peu épurées. Tu sais, il n'y avait plus d'avion dans le quatrième et tout ça. Non, c'est fait ça. Que, de tout ramener ça dans le cinquième, c'est... Le quatrième, tu sais, moi, c'est ça. J'avais aimé le storytelling, mais tu sais, le reste était pas aussi réussi que le cinquième. Là. Parce que Nico Bellic était quand même cool dans le quatrième. Ouais. Là. Ils ont ce don de créer des personnages intéressants, mais... Là-dedans, c'est vraiment le fun. Puis en plus, juste pas faire de mission puis faire des stuns puis n'importe quoi dans le monde, c'est super trippant aussi. C'est un jeu en soi. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'il fait la 25e position de notre top des meilleurs jeux de tous les temps. Excellent. Excellent. Moi, je vais enchaîner avec le numéro 24, Team Fortress 2. Oui. Ça, en fait, là, c'est... Ça, c'est vieux, là. Ça date de 2007, mais ça vit encore. En fait, ben, il a été transformé en free-to-play à un moment donné. Si on regarde les graphismes de ce jeu-là, c'est encore très joli à regarder, tu sais. La raison pourquoi, c'est que c'était extrêmement stylisé, tu sais. C'est un des premiers jeux où ils ont introduit, tu sais, une grande touche d'humour puis de personnalité au personnage dans un first-person shooter, tu sais. Ouais. Puis là, si tu regardes, c'est le soldier, l'ingénieur, le sniper. Le sniper, il a un accent australien. Le demo man, c'est un black dude, puis il a un accent scottish, c'est écœurant. Moi, c'est ça. Il y a comme des petits films d'animation qui existent pour présenter chacun de ces catégories de personnages-là. Exact. Ils sont le fun, mon gars. Ouais, c'est tellement agréable à regarder. Ça, ça m'a. C'est tout ce que je connais de ce jeu-là, mais ça m'a comme pogné ben raide. Je me sens malade. Puis le pyro, une espèce de créature ambiguë, c'est pas clair, c'est un homme ou une femme, il parle, tu comprends rien. Puis ça, là, ça a vraiment... La touche du mot, le gameplay était parfait. C'était des équipes super bien balancées. Les maps étaient bien faites, tu sais. Si vous aviez joué à Team Fortress classique dans le temps, c'était déjà le fun. Mais ça, c'est la coche, là, tu sais. Ce jeu-là, il a tellement bien vieilli. Aujourd'hui encore, il y a des millions de joueurs qui jouent. Comme je dis, il est gratuit. Si vous avez jamais essayé, pitchez-vous sur Steam, pognez ça. Vous pouvez l'acheter, l'Orange Box, sur votre PS3 ou Xbox 360. Mais tu sais, c'est... Un jeu, là, pour moi, il était parfait. C'était un 10 sur 10. Ah ouais, l'espion. Tout était parfait. Ouais, l'espion, avec son accent. Nice. Puis un accent français, tu sais, il pouvait backstabber. Ouais. Incroyable. Tout est parfait dans ce jeu-là. Mais quand il est sorti aussi, c'était le seul jeu. Tu sais, c'était le seul first-person shooter qui était coloré. On n'avait jamais vu ça auparavant. Ah, les couleurs, c'était beau. Il y a une espèce de cel shading, mais pas abusif. Ouais. C'était merveilleux, honnêtement. Tu sais, puis je pense que. Pour toutes ces raisons, c'est vraiment un des meilleurs jeux de tous les temps, selon moi. Puis si on regarde, comme on dit, c'est rare les jeux qui ont 10 ans qu'on peut regarder et dire « wow ». Ouais, c'est très, ça. Très beau. Ah, non, tu regardes ça et tu vois qu'Overwatch, c'est un enfant c'est un descendant de ça. Tout à fait. S'il n'y a pas Team Fortress 2, il n'y a pas d'Overwatch. Ouais. Dans le fond, lui, il a spawné plusieurs jeux, entre autres. Mais moi, j'aurais aimé un Team Fortress 3, mais le jeu Overwatch, ça fait déjà pareil. Ouais, un jour. On sait comment Valve est lent à produire des titres, donc moi j'espère jouer avant ma retraite. Fait que c'est ça. Hey, tu jeune, j'ai joué au deuxième. Troisième sort dans 30 ans. Exact, c'est ça. Fait que, en VR, bien sûr. Et donc, le numéro 23, c'est Portal 2. Oh, on l'a chez Valve. Donc, le premier Portal, c'est un jeu qui est très court, mais qui a vraiment introduit un gameplay novateur avec le concept de créer des portals avec un gun. C'est un first-person shooter où le but, c'est pas de tirer des choses, mais vraiment de comprendre ton environnement. Puis vraiment, tu peux te déplacer dans cet environnement-là avec le portal gun. Puis, donc le 2, il a continué là-dessus, mais vraiment comme amener le concept complètement ailleurs. Puis, ce qui avait marqué beaucoup dans le premier aussi, c'était le personnage de GLaDOS qui a vraiment marqué le monde. Puis, GLaDOS est de retour. Mais il y a comme une twist à moitié du jeu par rapport à GLaDOS puis un autre personnage. Je vais pas le dire, je vais pas le spoiler. Mais tu sais, ça continue ce que Valve avait établi avec la série Half-Life. C'est où est-ce que tu as vraiment la jouabilité et le narratif sont main dans la main. Le narratif, il est présent tout le temps, mais tu ne perds jamais le contrôle du personnage. Tu joues le narratif, contrairement à des jeux où est-ce que on te met sur pause puis tu regardes une cinématique. Le jeu, c'est une cinématique interactive tout le long. Exact. Et ça a aussi introduit le personnage de Shell, qui est un personnage féminin badass, un peu comme Samus, elle parle pas, mais elle est là, puis par ses actions, tu comprends qu'elle est vraiment badass, puis elle n'a pas froid aux yeux. Donc, pour toutes ces raisons, Portal 2. Puis, tu sais, Portal 2 aussi, je pense que c'est une des finales les plus surprenantes et, ouais, hein? et incroyables dans les jeux vidéo. Donc, jouer à ça, puis c'est pas grave si vous n'avez pas joué au premier. Le premier, il n'est pas très long, ça fait que vous pouvez le faire, mais sinon, c'est pas grave si vous n'avez pas joué au premier. Puis, si vous êtes un fan d'Half-Life, ben la série Portal se déroule dans le même univers. Oui, c'est ça. Donc, des fois, il y a des petits des petites références à Black Mesa, qui est le où est-ce que Half-Life, le premier, se passe surtout. Donc, c'est ça. C'est un jeu extraordinaire. Moi, je suis pas à titre, là, honnêtement. Là. C'est le jeu PS3 que j'ai acheté et que j'ai revendu. Parce que j'étais pas capable. Tu faisais des trous. C'est quand je connaissais trous, pas vraiment. J'essayais tout puis j'ai acheté ce jeu-là cher, là, pareil. Ouais, mais, c'est vrai. Oui, ça, man, j'étais comme pas capable. Ouais. C'est pas pour moi les first person. Je suis pas capable. En plus, je faisais des trous passés à travers des murs. J'étais exact. Mais Portal, je trouve que ça forçait ton cerveau en 3D. Ça marchait. C'était saigné des yeux. Non, non, j'étais un gars de réflexe, pas un gars de 3D. Bon. Mais je trouve que c'est ça, Portal, c'était un bon jeu pour t'apprendre à faire du platforming en first person. T'sais, moi, c'était un des premiers auxquels j'ai joué dans le genre, Marc. Là. Mais après ça, essayer de faire du platforming en first person, c'est tellement tough. Là. C'est vraiment c'est un art, d'après moi. Ouais. Hein. Mm-hmm. Puis eux autres réussissent quand même assez bien. Mais il est permissif aussi quand même. Ouais, ouais. Si, au début, c'est difficile, mais plus tu avances, ça se fait quand même pas c'est pas... ah, tu tombes pas dans le vide. Non, c'est ça. Non, non, c'est moi qui est nul, là. C'est vraiment plus... Ce jeu-là est bien fait. Tu sais, comment tu te rends là, tu sais, c'est ça qui est top. Là, t'es bloqué. Ouais, puis juste jouer avec le gun. Le jeu, il va pas te tuer à toutes les 5 minutes parce que c'est pas la bonne manipulation. Bon. Fait que sinon, position numéro 22. Un jeu que j'ai critiqué il y a pas très longtemps, Uncharted 4, qui était mon jeu de l'année. De l'an passé. Bon, oui, il y a eu Uncharted 1, 2, 3 et le 2 est très, très, très, très aimé des fans. Ouais. mais moi, je sais que toi, t'es moi, encore le plus 2. Mais j'ai pas encore fini le 4. Il est mais à moitié. Moi, je trouve que c'est parce que je trouve que le 4 surpasse ces choses-là. Ils ont pris les meilleures choses, justement, du deuxième en termes de gameplay aussi, puis ils ont ajusté des choses qui n'étaient pas au point. Avec le troisième. Puis ça, ils ont vraiment bien réussi. Ils ont amené des nouvelles mécaniques. Côté histoire, j'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait plein de rebondissements. On a pu aussi découvrir le passé de Drake. Le personnage de son frère, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Mm-hmm. Avoir comme un personnage que tu sais pas trop si tu peux le truster ou pas. J'ai trouvé qu'en fait, Uncharted 4, ça aurait fait un excellent film. C'est comme le meilleur film d'Uncharted, ouais, ça se trouve. Je suis d'accord, t'sais. Par contre. Puis, moi, c'est ça. C'est toutes ces affaires-là qui fait qu'au final, tu sais, c'est peut-être... Oui, côté gameplay, le deuxième était vraiment solide. Mais le quatrième, je trouve que c'est tellement tout qui est vraiment solide. C'est peut-être pas parfait partout, mais c'est tellement solide pour l'ensemble que c'est lui le meilleur, d'après moi. Ils sont vraiment sortis avec un excellent jeu, puis juste les mécaniques qu'il y avait avec le char, j'ai trouvé ça hallucinant. J'ai trouvé que c'était seamless. Tu joues à ce jeu-là, puis tu sais, je trouve que la barrière entre la cinématique puis le jeu, là-dedans, on la voit jamais. Puis ça, c'est quelque chose, je trouve, de super important dans les jeux vidéo, puis c'est le fun qu'il y en ait de plus en plus. Il y en a eu pas mal aussi dans Last of Us, tu sais. Mais c'est Naughty Dog encore, fait que tu sais, c'est un peu le même principe. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. T'sais, moi, des expériences de jeux cinématiques, j'adore ça. Puis là-dedans, on m'a donné exactement ce que je voulais. Là. Puis j'adore le gunplay. C'est un jeu qui est hyper accessible. C'est pas nécessairement fait pour un hardcore gamer, ben franchement. Je pense que n'importe qui peut jouer à ça puis avoir du fun. Puis c'est ce que j'aime de ce jeu-là. J'aurais pas aimé qu'il devienne autre chose non plus, que ça devienne un jeu qui est trop difficile. Puis l'intelligence artificielle dans ce jeu-là est meilleure que dans tous les autres jeux auparavant. Ouais. Les ennemis vont venir te chercher si tu te caches en arrière d'un mur. Tout à fait. C'est vraiment cool. Le online est écœurant. Il est vraiment bien balancé. Il est bien supporté. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire dedans. Puis il y a beaucoup d'armes que tu peux débarrer. Puis en plus de ça, il va avoir une extension. L'extension va être gratos. Puis c'est complètement une nouvelle histoire dans ce monde-là. Fait que je trouve que c'est ça. Il y a un bon support qui est donné au jeu. Puis c'est une belle façon de sacrer ton camp. Ouais, moi, je avec la série Uncharted. Super rapidement, le Uncharted. Ouais, vas-y. On y joue parce que le feeling qu'on a quand, tu sais, quand Nathan Drake, il se pitch à quelque part, puis ouais. il pogne le ledge avec le bout du doigt, tu sais, puis il continue, tu sais, tu te sens puissant, tu sais. Ouais, exact. Tu sais, tu te dis tabarnouche, il fait des affaires, c'est impossible, là. Mais c'est tellement agréable, tu sais, tout le platforming d'Uncharted, là, c'est sa force, là. Non, puis moi, je suis un fan fini d'Indiana Jones, ça a tout le temps été comme mes films préférés quand j'étais jeune, puis c'est le plus proche que j'ai pu avoir de ce que j'aime d'Indiana Jones, tu sais. J'aimerais ça d'ailleurs que Naughty Dog fasse fuck it, on a les droits, puis le prochain, on fait un Indiana Jones. C'est plus Uncharted, c'est Indiana Jones, ça serait malade. Là. Stay tuned, il y a peut-être quelque chose d'Indiana Jones qui s'en vient plus tard. Ouais, peut-être. Hein? Pour l'instant, ça serait. Qui sait Qui sait Ça serait numéro. On pourrait entendre parler d'Indiana Jones. Ça se pourrait. 21. Numéro 21. 21, Tony Hawk's Pro Skater 4. Crime, oui. Là, peut-être le chiffre 4 va vous surprendre, mais c'est parce le que c'est celui auquel j'ai le plus joué dans ma vie. Bien sûr, comme la plupart du monde, j'ai commencé avec le 2, avec le démo du 2. Oui. Que j'avais pas vu dans une revue. Genre, je faisais tout le temps le même skatepark. Il y avait deux niveaux. Fait que je faisais ça comme un. Non, mais c'était le démo-là, il t'en donnait tellement. Là. Ben, t'avais ton 2 minutes. Là, c'est ça. Tu faisais juste des 2 minutes de skate. Et puis, moi, c'est la découverte de ce jeu-là. Ça m'a comme jeté à terre. Là. Je jouais à ça. Là. Je faisais juste ça. À l'ordi, je jouais au PC à ça, tu sais, au 2. Puis quand j'ai eu mon PS2 puis que je me suis finalement acheté le 4, je trouvais qu'il était plus complet encore. Et c'est là qu'ils ont introduit aussi le flat. Oui. Tu faisais du flat. Et puis, donc, tu mixais le flat là-dedans. C'était cool. À chaque Tony Hawk, il se rajoute une couche de... Chaque jeu est très semblable l'un à l'autre. Mais tu sais, je sais pas, il y a une belle c'est énergie. C'est du fine-tuning pas mal tout le temps. Ouais, c'est ça, tout le temps. Il rajoute des petites choses. C'est le fun d'avoir des nouveaux riders aussi. Puis bien sûr, les soundtracks, c'est tous des soundtracks qui viennent nous chercher. Il y a des affaires plus soft. Il y a des affaires un petit peu plus hard. Un peu de tous les goûts. Mainstream, Rage Against the Machine, Melon Collin, tu sais, mais un peu de métal aussi. C'est très cool. Puis je pense que tout le monde sur Terre doit avoir joué à la série Tony Hawk. Pro Skater, il y a juste là un, à mon souvenir, que j'avais aimé un peu moins. Mais c'était quand même genre un gros jeu. Puis après ça, ça s'est juste amélioré tout le temps. Mais il faut dire que le 4 est pas mal le dernier que j'ai joué. Le 4 était très bon. Puis il y a même eu une version HD aussi qui est sortie sur PS3. Elle est super bonne. Ouais. Puis moi, du 4? Ouais, du 4e. OK. Puis moi, ce que j'aime de Tony Hawk Pro Skater aussi, c'est que j'ai joué aussi beaucoup sur Game Boy Advance. Ouais, il est très bon. Il est très réussi. C'est Vicarious Visions qui l'a fait. Puis eux autres, ils étaient très bons dans les jeux en vue isométrique. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis je trouve que c'est ça. Il y avait comme un saut de qualité autour des jeux de Tony Hawk. Puis c'est plate. Il a comme perdu ça avec le temps. T'sais. Ouais. Et je sais pas si c'est lui qui était derrière Skate. Il me semble que oui, mais il y a comme... Ouais, Skate, comme pousser la série après ça vers autre chose, puis ça marchait plus. J'ai pas mis Skate dans mes tops de jeux de skate, même si j'aime beaucoup ça. J'aime tous les jeux de skate, on dirait. Ouais. Mais Skate, j'y ai jamais joué vraiment, tu sais. Mais moi, Tony Hawk, ce que j'aime, c'est super, très arcade là. Aussi. Ouais. Là, tu sais, c'est funny, c'est drôle, on se pète la gueule, on insulte des policiers, exact. Là, tu sais, on tag des affaires. Moi, tout ça me plaît. Puis dans le 4 aussi, je me rappelle plus s'il y a ça dans les autres, mais tu customes ton personnage. Ouais. T'as des stats à booster, tu sais, des affaires ramassées. Fait que ça te donne ton personnage, ton deck. C'est ça, t'as des skates à débloquer. T'as beaucoup de choses à faire, même si c'est la même map, les mêmes maps toujours. Donc, ça rajoute de la profondeur. Mais tu sais, développer des. Tu sais, faire des tricks justement pour aller chercher ton. Je pense que c'est special ou je sais pas trop. Faut aller chercher les lettres aussi, genre le manual. C'est tout plein de défis, ça, dans le fond. C'est des challenges là, qui sont bien le fun à faire. Puis jouer à Horse aussi un contre l'autre. Oui, c'est t'sais, ça, Horse. En versus, ça, ce jeu-là, il est bien le fun aussi. On a fait souvent Arcade Montréal, puis dans les soirées là, de bataille de jeu de Tony Hawk. Fait que voilà, excellent série bon Tony Hawk. Yes. Avec le prochain 20, jeu. Numéro 20, c'est Indiana Jones and the Fate of Atlantis. En français, en plus. En français. En français. En français. En français. Donc, vous savez, je suis un grand fan des jeux d'aventure. Puis, ce jeu-là, c'est la raison. J'ai joué à ça non-stop quand j'étais jeune. Puis, je l'ai refait récemment. Puis, c'est un jeu d'aventure classique de LucasArts avec le moteur SCUM. Puis, c'est Indiana Jones qui est dans une espèce de course contre la montre. Contre les nazis pour découvrir le secret de la cité perdue d'Atlantide. Et c'est un jeu qui donne vraiment le sentiment de voyager. Tu sais, tu voyages, puis t'as vraiment comme... C'est vraiment une aventure épique, tu sais. Il y a beaucoup de jeux d'aventure qui sont dans des huis clos ou de semi-huis clos, un peu comme Day of the Tentacle. Tandis que là, tu voyages vraiment à travers le monde. Et tu sais, ça reprend vraiment... c'est vraiment un parfait mélange d'humour et d'action. En fait, c'est un exemple à suivre sur comment transposer une franchise cinématographique en jeu vidéo. Ouais. T'sais, ils ont vraiment repris fidèlement. Pour moi, pendant longtemps, ce jeu-là, c'était Indiana Jones 4. Oui. C'est de loin supérieur à Indiana Jones 4. Voyons au niveau de l'histoire. Pis, Crystal Skull! Des martiens! Puis, tu sais, je trouve que la quête est le fun, tu sais, la cité de l'Atlantide, puis tout ça. Ça fait que finalement, il y a une twist, elle n'est pas dans l'Atlantique. Oh, monsieur! Puis, ce qui est très particulier aussi dans ce jeu-là, c'est qu'il y avait une grosse valeur de rejouabilité parce qu'au tiers du jeu, tu as le choix entre trois chemins. Tu as le Wits Path, où est-ce que Indiana Jones fait le chemin tout seul. Mais où est-ce que c'est vraiment centré sur les puzzles. Okay. Le Fist Path, où est-ce que Indiana Jones est tout seul, mais centré sur plus de l'action. Il y a même des batailles, des fois. Puis, t'as le Team Path, où est-ce qu'il y a sa partenaire, Sophia Apgood, qu'elle, c'est une experte sur l'Atlantide, puis il accepte, en fait, qu'ils partent ensemble, puis qu'ils vivent cette aventure-là ensemble. Ça fait que tu visites à peu près les mêmes endroits, mais c'est vraiment différent. Les puzzles sont différents. Puis la façon de les décider est complètement différente aussi. Donc, c'est ça. Si vous êtes un fan de jeux d'aventure, c'est vraiment... je l'ai refait récemment puis ça n'a pas mal vieilli du tout, en fait. Vraiment pas. J'attends impatiemment le remaster qui n'a pas été annoncé, mais que ouais. Je suis sûr qu'il y en aura un. Ça se peut pas qu'il le fasse pas. Mais ça peut être compliqué parce que c'est LucasArts, George Lucas puis tout ça. Mais quoi que... Parce que moi, j'attends le remaster de George Lucas, il n'a pas juste vendu Star Wars, il a vendu Indiana Jones aussi. Il a vendu LucasArts au complet. On verra ce que... Peut-être quand il va y avoir un nouveau film, ils vont le refaire, sortir un remaster. Ça serait le fun. Peut-être un fun fact sur ce jeu-là. En fait, si vous avez Indiana Jones Staff of Kings à la Wii, il y a une façon de débarrer ce jeu-là pour le jouer c'est de façon vrai. Complète. Là, wow! Come on, guys. Gros nolet. Sortez vos Wii. Tu peux jouer point-and-click avec ta Wiimote. Ça a été développé. Ah ben, ça doit être pas pire, ça. Ouais, c'est parfait, ça. Pas mal mieux qu'avec une manette de Super de NES. Ça a été développé à Montréal par A2M, le Staff of Kings, que je travaillais là dans le temps. C'est ça qui reste en papier en dessous de la table. Oh my God. Ouais, des petits secrets. Film fantastique. Fait que 19e là, position. Voilà. 19e position de La Légende de Zelda. Un lien entre les mondes. Ouais. Parce que moi, j'ai joué à ce jeu-là direct à la sortie. Parce qu'il y avait un nouveau Zelda sur 3DS. Puis c'était pas du fucking 3D d'Ocarina de Marbre. Oups! Puis on disait beaucoup de ce jeu-là. C'était comme un Link to the Past. Puis bien sûr, moi, j'adore. Ben oui. Donc, ce que j'aime de ce jeu-là, c'est que c'est effectivement pas mal comme un Link to the Past. Ouais. Mais... toutes les anicroches ont été réglées un peu. Ouais. Là, tu te perds pas autant. Je me suis pas perdu tant que ça. Moi non plus, je viens de le faire et je me suis pas perdu non plus dedans. Ouais. Ah, tu parles de Link Between Worlds? Oui. Ouais, on se perd pas partout. Non, pas du impossible tout, là, de ça. Se perdre. Fait que c'est à moins que tu lâches ton quest pendant un bout et que tu y reviens après. Ben, même à ça, t'as comme tout est là. Tu vas chercher les items direct à la base, ça te tente, puis t'as juste à les payer, tu commences à jouer. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Puis la gimmick là-dedans, c'est que tu colles comme un papier sur le mur, dans le fond, comme une peinture sur le mur. Puis tu te promènes le long des parois, des falaises. Tu passes entre des cracks, entre deux roches. Donc, ça rajoute une belle dimension très intéressante au jeu. En fait, c'est le seul qui utilise cette gimmick-là. Et puis, c'est ça. Tu découvres des endroits que tu penses avoir vu auparavant. T'sais, c'est comme c'est pareil, mais pas tant. Tu remarques une légère différence, mais tu fais comme crime, je suis venu ici quand j'étais kid, puis là, je peux aller là. Ouais, absolument. Ça, c'est malade. Il y a un des châteaux notoires dans le ciel où tu sors un endroit par une craque, puis tu vois autour du château dans le vide. Ouais. C'est vraiment beau. Là. Ah oui, absolument. C'est un jeu magnifique. La palette de glace est incroyable. Ouais. Puis la 3D est super bien faite dans ce jeu-là. Elle était utile tout le long, je trouvais, la 3D. Ah oui, j'allais mettre ça dans le tapis tout le temps là, pour jouer à ça. Là. Non, je trouve que c'est un jeu parfait. Ben là, ça fait 4 ans que j'y ai joué. Là. J'ai joué à la naissance de mon deuxième, donc à sa sortie. J'ai pas tous les souvenirs en tête, mais j'ai le souvenir d'avoir été mind blown et puis de pas avoir lâché ce jeu-là une seconde. La minute que le petit s'endormait, je rembarquais dessus. Oui. J'allais finir rapidement. Puis quand tu le finis, je pense que tu as une quest plus hard là, que tu peux faire, hein, que je n'ai pas faite. Donc ça fera un défi éventuellement. Probablement Master Quest. Mais man, excellent, excellent Zelda. Moi-même, personnellement, je le préfère à Link to the Past, je pense. Ah ouais. C'est meilleur en 2D, je pense. Il y a pas de, il y a pas de gossage. Non, c'est une belle autoroute là, droite, propre, avec plein de surprises. Non, c'est plaisant. Ben moi, je me rappelle, j'ai joué à ce jeu d'Arculon, parce que tout le monde me disait que c'était bon, puis j'étais là, une peinture sur le mur du 3D. Puis j'ai adoré. J'ai tellement aimé ce jeu-là. À partir du moment où, mettons, j'ai passé une heure, là, je pouvais plus, comme toi, lâcher. Là, ça va assez vite. Genre, dans le métro, je marchais, je regardais plus où j'allais, je jouais. Là, j'étais incapable de jouer. Puis la pochette est magnifique aussi. Je l'adore, la pochette. Ouais. Avoir un poster de Zelda dans ma chambre, je mettrais ça. C'est lui. Ouais. J'ai Arcade Montréal. Ah, c'est vrai, ça. Crime, c'est pas rétro, ça, là. Ben, ça s'en vient. Là. Ouais, ouais, 3DS. Ben, mané 3DS, comment dire. Ouais. C'est pas si rétro. 18, un jeu qu'on a tous en commun, Miss Pac-Man. Moi, en fait, je l'avais mis pour ma part parce que c'est meilleur que Pac-Man. Ah oui, tout à fait. En tous les points. Puis Pac-Man, pour moi, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Moi, c'est mon go-to jeu tout le temps, en fait. Si je vais à Arcade Montréal, je joue à ça. Si je vais dans une arcade quelque part, faut que je joue à ça. S'il est à quelque part sur une console, faut que je joue à ça. Je suis un gros, gros fan de Pac-Man. Puis ça, ça va vite, c'est tight, ça répond bien. Il n'y a pas de gimmick. Ben, il y a plus de variété aussi avec les fruits. Puis il y a des niveaux différents un petit peu. Ouais, les niveaux sont les différents passages. Par rapport à Pac-Man. Ça évolue. Ben, il y a 3 ou 4, je ne me rappelle plus combien, mais il y a, comme tu fais deux fois le premier niveau, après ça, il change. Ouais. Puis, bon, les fruits aussi, la banane, c'est la plus payante. Donc, non, c'est comme Pac-Man, mais une petite coche au-dessus. Ouais. Mais une petite coche en dessous de Super Pac-Man qui est comme complètement dégueulasse. Ouais, c'est là, ça. Où est-ce que comme tu grossis, puis tu pognes des clés, puis c'est n'importe quoi. Puis c'est un jeu top-down de même. Là. Ouais, ouais. Mais c'est pas le fun. Ah, c'est vrai. Ça, c'est juste la coche le fun au-dessus. Puis tu l'avais bien expliqué, là, c'est parti d'un compagnie. Crazy Otto. Qui était... Je me rappelle plus du nom de l'entreprise, mais finalement, qui s'était battu avec Bally Midway pour avoir les droits. En bout de ligne, les deux ont perdu, puis c'est Namco qui a rapatrié les droits. Mais c'est parti d'un clone de Pac-Man. Là, donc, c'est quand même le fun. Ça veut dire que c'est des gens, des fans, on voudrait dire, de Pac-Man qui ont créé ça. C'est un fan made, donc c'est sûr que c'est bon. Ouais, exact. C'est un bootleg qui est devenu un legit. Mais moi, dans une arcade, tu sais, c'est vraiment ces deux jeux-là, Miss Pac-Man puis Galaga. Puis là, en plus, il existe un cabinet qui les a les deux dedans. Classique d'arcade. Donc, cabinet classique, quand t'as ça, t'es en business. Là, vraiment, tu sais. Pas à ça là, pendant 4 heures, là, tu sais, mais ben, tu peux. Hein, si t'es vraiment anal, là, puis tu veux comme battre des scores. Ouais. Mais c'est tout le temps là, une bonne game là, à jouer. Là, tout le temps, tout le temps. Yeah. Ah non, puis moi, ma mention spéciale à Arcade Montréal est super responsive, votre machine, tu sais. Ouais. Le joystick, là, il est tight. Ça, est accéléré, par exemple. Il y a une chip pour accélérer à Miss Pac-Man dans le fond, fait qu'elle va comme deux fois plus vite que la normale. Ah, c'est fantastique. Ce qui fait que ça étire ta game. Tu sais, le monde, ils font le saut, ils s'attendent à mourir après le premier niveau ou avant. Puis finalement, ils font 4-5 niveaux. C'est comme, waouh, 100 000, tu sais, comment j'ai... C'est parce qu'elle va tellement vite qu'elle bypasse les fantômes. Là, fait que ta game, elle dure plus longtemps. C'est ça qui est le fun aussi. Mais les fantômes vont plus vite aussi ou c'est juste... Non, juste elle. Fait que c'est pour ça que c'est plus facile. Là. Ben, ça ressemble à Championship Edition, en fait. Ouais, genre, c'est un petit peu plus dans le genre. Là. Plus arcade, en fait. Ah ouais, vraiment. Là, c'est une belle twist. C'est là. Vraiment. Parce qu'on aurait pu la remettre originale, mais cette chip-là était déjà dedans. Fait qu'on a décidé de la garder parce que Chris, au niveau du gameplay, c'est fun. On avait du fun. Juste le casual des gens qui arrivent qui n'ont pas joué depuis une couple d'années. Là. Exactement. Nice. Il y a un Squeegee qui est vraiment fan de... Oui, hey, on l'a vu. Petit aparté très rapide. Il y a un genre de Squeegee drogué, grand mec, là, Sid Vicious, là, qui vient à l'arcade. Mais on a les filles, ils l'ont spoté dans une vidéo. Ouais. Genre de Rancid. Une espèce de, non, de show extérieur. Les Saint-Catherine's. Non, voyons, c'est à Télé-Québec, là, un genre de show franc-tireur, où est-ce qu'il a été interviewé, tout ça, puis puis il a été interviewé il y a 3 ans, il était stone high, ben red dans un festival, là, il a été réinterviewé, puis là, il était plus stone, mais il était comme legit, mais quand même, tu sais, quand tu prends de la drogue à un moment donné, ça te défait. Mais là, il vient à l'arcade, ce gars-là. Ouais. C'est très drôle. Mais là, je pense qu'il a recommencé à prendre de la drogue pas mal. À cause d'arcade. Malheureusement. Pour lui. Yes. Mais on l'aime bien, on l'aime bien. Il fait pas de troupe partout. Non, c'est un personnage. Hey, on a atteint un milestone, on a dépassé le 100 viewers live. Oh! Wow. Wow. Ça va up and down autour de 100 en ce moment, donc pour l'épisode 100. Wow, c'était quoi notre record avant ça? 50. Merci à tous. Autour de 50-60 dans le temps. Là, je pense que c'est Eric Hébert qui doit avoir sharé ça sur Gamer. Salut tout le monde qui me découvre ce soir pour le 100e épisode. Ben, salut tout le monde. Hello. Fait que là, sinon, on est rendu à... au 17. 17, exactement. C'est The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ah, oh, monsieur. Epona. Donc, un cheval. Moi, je suis fan des chevaux. Donc, tu sais, c'est vraiment un jeu qui a établi les bases de, tu sais, comment faire un jeu RPG d'action en 3D, tu sais. Puis, une affaire très importante là-dedans, ça a été l'invention du Z-targeting qui a été repris après ça dans pas mal tous les jeux d'aventure en 3D comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Puis, le Z-targeting, tu payes sur Z, c'est quand tu payes sur Z puis que ça lock sur un ennemi. Okay. Aujourd'hui, on prend ça pour acquis, mais à l'époque où est-ce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec la caméra, ouais, ça aidait ça. Beaucoup. Ça aidait en créer ça. Puis, en gros, c'est un jeu... épique, tu sais. À l'époque, quand il est sorti, jamais personne qui avait vu un jeu aussi gros, aussi épique. Puis, tu sais, quand je repense à mon expérience dans ce jeu-là, je pense à des moments, tu sais. Je pense au moment où est-ce que Link, il retire l'épée de la Master Sword du pédestal pour la première fois. Puis là, oh shit, là, tu deviens adulte. Puis, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu sors dehors, puis le village est détruit, puis il y a des espèces de zombies qui crient comme des Nazgûl. Puis là, t'as crissement à la chienne parce que t'es jeune. Ouais. Puis le bout, ouais, comme on voit là, quand Zelda elle s'enfuit, puis là il y a Ganon qui arrive, puis elle te lance l'Ocarina. C'est la première fois que Ganon il apparaît en tant que Ganondorf. Ouais, c'est la première apparition de Ganondorf en tant qu'humain. Dans le timeline, c'est à partir de Ocarina of Time que le timeline s'est divisé en trois à cause qu'ils ont fait du voyage dans le temps qu'ils n'auraient pas dû faire. Ouais. Faut jamais faire les voyages dans le temps. En fait, à la fin, Zelda elle renvoie Link. Elle dit « Ah, ben, va revivre ton enfance. » Puis là, c'est là qu'elle fuck toute la timeline Carice. En revoyant Link dans le passé. Yeah, elle se prend, elle. Puis, tu sais, une chose qu'on contient encore aujourd'hui de ce jeu-là, c'est une soundtrack inoubliable. Ouais. Et le fait que, tu sais, surtout, tu l'oublies pas parce que la musique faisait une partie intégrante du gameplay. Il fallait que tu apprennes les tunes sur le avec ton Ocarina. Puis là, tu connaissais par cœur après, tu sais. Puis quand tu fais la toune de Zelda's Lullaby, tu t'en rappelles après ça pour toute la vie. Eh oui. Ils ont repris certains éléments. Donc, tu sais, il y en a qui vont dire « Ah, le jeu, il a mal vieilli sur certains aspects. » C'est vrai. Mais moi, je trouve encore que c'est un excellent jeu aujourd'hui. Puis la version 3DS est super belle. Donc, voilà. En ce moment, l'Internet... J'ai défendu Ocarina. Parmi les haters. Ben ça, en ce moment, dans le chat, l'Internet se brise là, parce qu'on a mis Ocarina avant Link Between Worlds. Fait que la faille d'Internet commence en ce moment. Là. Ah, ouais. Plus on va descendre les numéros. Il y a des feux qui s'allument dehors. Là, ouais, c'est ça. Angry Mob. Attendez qu'on parle de Metroid. Ah, man. Déjà, la merde va pogner ici. On est rendu numéro 16. Là, c'est 16 pour nous. Éteins ce feu. Ok, ouais, numéro 16, Shadow of the Colossus, qui est, moi, justement, mon jeu le plus épique de tous les temps, mon meilleur Zelda, si ça se trouve, c'était Shadow of the Colossus. Parce qu'en fait, c'est ça, je trouve que Shadow of the Colossus, c'est la définition de épique et de solitude en même temps. Puis pour tous les gens qui jouent à Breath of the Wild présentement, ouais. Shadow of the Colossus, c'est quand même une grosse inspiration quand tu regardes ça. Juste le fait justement d'être tout seul dans un environnement que tu comprends pas, puis tu sais pas où aller, puis tu te fais guider par ton épée pour aller trouver les boss, puis tu essaies de trouver comment les battre. Puis vraiment, ce jeu-là était vraiment révolutionnaire au moment où il est sorti aussi. Tu sais, quand même, il est sorti à l'époque de la PS2, puis c'était quand même assez incroyable. C'était comme la suite spirituelle de Ico. Ico qui est très bon, mais qui a son lot de problèmes, comme c'est pas possible. Il y a plein de problèmes dans Ico. Ça joue pas super bien, Ico. La pochette est lette. Ouais, la pochette est vraiment lette. Ouais, tellement. Ah, oui. Mais Shadow of the Colossus, tous ces colosses-là, il y avait vraiment... il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Chaque personnage, il trouvait tout cool. Toutes les boss sont vraiment cool. Ils look cool. Quand tu grimpes dessus, tu te sens vraiment minuscule dans cet environnement-là. Les jeux de caméra qu'il y a dans ce jeu-là sont vraiment très réussis. T'sais, entre autres, il y en a un qui frappe au sol. Faut que tu montes son épée. Puis tu fais comme « Holy shit! » Tu sais, t'es tout le temps bien nerveux. La toune de bataille était cœurante. Ça n'a pas été le premier jeu un peu à faire ça. Puis après ça, dans God of War, tu grimpes partout sur des gros colosses. C'est comme le premier jeu, on dirait qu'il a instauré les méga gros boss que tu grimpes dessus. Là, totalement. Tu casses des bouts, puis tu grimpes ailleurs, tu casses un autre bout. Exact. Comme Castlevania Lords of Shadows l'a fait genre après tout le monde. Après tout le monde. Cette bande de Chris scrap ma série. Ouais, il était malade. C'était dans le deuxième, ça. Moi, je l'ai bien aimé. Je pense Shadow of the Colossus, à l'époque où il est sorti, c'était fort probablement le meilleur jeu que personne n'avait joué, tu sais. Oui. Parce qu'au début, là, c'est un sleeper. C'est vrai que personne jouait à ça. C'est un sleeper, là, tu sais. Il est comme monté. Puis je pense que c'est plus avec le... Peut-être le remake PS3 là, qui a mené. Ça a aidé. Ça a commencé à être un peu plus. Mais tu sais, t'as eu les gens justement qui trippent sur. Comme les hipsters du jeu Géo finalement, là, qui trippent sur. C'est quoi, c'est Fumito Ueda, le réalisateur, tu sais. Puis les gens qui ont connu Ico ont fait comme Christy, faut absolument que je joue à ce jeu-là, tu sais. Puis ils sont intéressés à ce créateur-là, puis à ce qu'il était capable de faire. Mais tu sais. Ce jeu-là, quand tu y as joué pour la première fois, si tu l'avais acheté ou loué, c'était vraiment... j'ai jamais ressenti ça dans un jeu vidéo dans ma vie. J'étais juste comme vraiment épaté. Puis j'ai rejoué au remake. Puis le remake HD est vraiment très bien fait. Le remake de Ico HD est pas réussi, pas en tout. Ils ont pas réglé rien. Puis celui-là de Shadow of the Colossus, il est vraiment réussi. Bon framerate. C'est vraiment un super bon jeu. Fait que non, c'est ça. Encore aujourd'hui, ça tient bien la route, ce jeu-là, vraiment. Et excellente soundtrack. Good. Oui. Prochain jeu, numéro 15, Metal Gear Solid. Ah oui! Ça, man, ça c'est venu me chercher, là, ce jeu-là. Je pensais que tu parlais du premier au PC. Le premier au PlayStation. C'est celui-là? Non, c'est pas ça pour en tout. Ben là, fallait me dire lequel, il y en a plein. Là. Moi, Metal Gear Solid, là, il y en a juste un. Ah ben c'est lui qui est sorti du NES en fait dans mes recherches. Il s'appelle juste Metal Gear. C'est Metal Gear ça. Fait que c'est pas le bon vidéo, fait qu'on va enlever au moins vidéo. Là. Enlève ça. Je savais qu'il me manquait quelque chose de pas correct dans celle-là. Mais Metal Gear Solid, c'est dans le fond le premier jeu de tactique espionnage. Ouais. Ben mais les Metal Gear existait avant ça. Tactical espionnage action. Exact. C'était écrit ça. Mais en 3D, tu sais, vraie aventure. Là. Puis, vraiment. Avec des personnages, c'est encore une fois beaucoup de cinématiques. Ouais. C'est Metal Gear, tu sais, c'est comme on commence à se faire rentrer les cinématiques dans la tête. Là. Ouais. Beaucoup. Mais moi, ça me dérangeait pas, tu sais, c'était. Non. Il y avait de quoi d'ajouter dans ce jeu. Mais l'histoire est intéressante. Peut-être qu'ils ont abusé pour les autres jeux après. Peut-être. Le 2 était vraiment injouable. Là, au PS1. Cinématique à toutes les 5 secondes. Le 2? Ouais. Ah, j'ai adoré. Ah, moi, c'est. Ça se fait 5 pas, puis bip, bip, bip, bip. Hey, j'ai quelque chose à te dire. Ouais, non. Hey, j'ai encore quelque chose à te dire. Non, mais j'étais patient, moi, dans ce temps-là. Le premier, c'est mon meilleur. Je trouve qu'ils ont brisé la série après. J'ai pas été capable de faire le passage de Metal Gear Solid 1 à toutes les autres parce qu'ils ont tellement changé d'affaires. La vue, la caméra a changé. T'sais, c'était pas le même genre de jeu. C'était pas le même jeu, en fait. Puis j'ai rejoué à Metal Gear Solid 1, puis Chris, c'est encore bon, c'est vraiment écœurant ce jeu-là. Ouais. Je trouve les autres, ils ont amené ça comme... Je sais pas, je trouve qu'ils l'ont amené trop loin, en fait, en termes de gameplay. Ça ben, moi, le 2, Sons of Liberty, là, j'ai joué beaucoup, beaucoup. Ouais. Parce que le premier est moins long aussi, là. T'as-tu commencé le 4, finalement? Non. Je l'ai acheté pour la fun, je n'aurais jamais acheté. J'avais commencé Snake Eater, puis j'aimais pas la vibe. Ouais. Ça me tentait pas de faire du Jungle Warfare, là. Mm-hmm. Puis j'ai décroché, là. Fallait que j'attrape des serpents, c'est-tu que je commence à manger des serpents. Fuck you, c'est pas là pour ça. Revolver Ocelot, Psycho Mantis, la sniper, le fait, j'ai oublié son nom. Eh oui. Puis tu sais, man, quand Ocelot, puis deux manettes. Psycho Mantis avec les deux. Il lisait ta carte mémoire dans la console. Puis vu que c'était un jeu de Konami, là, il a vu que j'avais une save game de Castlevania Symphony of the Night sur ma carte mémoire. Il a dit « Ah, you like Castlevania? » Là, j'étais comme « Holy shit, qu'est-ce qui se passe ici? » Ce gars-là, il était en train de tout savoir. Puis là, je comprenais rien. Il me pétait à la gueule. Puis là, un moment donné, je prends l'autre manette. Puis là, il comprenait plus rien. Fait que là, je l'ai blowé. Ça, c'était un épique combat. Wow, mais j'ai beaucoup aimé le combat de sniping dans le nord avec la fille. Ah oui, hein? Man, c'est violent. Là t'es couché. Puis là, tu commences à avoir le shake. Puis là, comme tu prends une pile anti-shake. Puis là, OK, t'as un genre de 20 secondes. Puis il n'y avait pas de musique. T'entendais juste le bruit juste du le vent, là, ben fret. Ah ouais, man. Puis l'ambiance. T'étais couché, t'étais nerveux. Tu prenais des pills pour arrêter de shaker. C'était beau, là. Ah, puis le ninja, c'ti. Ouais, le ninja. Ah non. À fin, esti. Avec la toune en plus. Ah ouais. Ah, j'en ai des frissons, man. C'est cœur. Le pire, c'est que j'ai acheté ce jeu-là totalement par hasard parce que ça sortait. Genre, ça a l'air cool. Tu sais, je savais sans trop savoir. Ouais. Puis finalement, man, ça a été une expérience là, inoubliable. Là. Grand, grand, grand classique. Là. Je me rappelle quand j'étais petit, puis j'allais à l'école portugaise le samedi. Là, y a un apprendre gars qui... à comment faire du poulet. Là. Non, apprendre à lire et écrire en portugais. Ah, ben oui. Puis il y a un gars qui arrive avec le boîtier de Metal Gear, puis il est comme, hey, ça, c'est écœurant. Puis, comme, c'est quoi ça? C'est un jeu de char? Ouais. Ben, vous, un Top Gear, Metal Gear. Eh oui. Ouais, ça doit être ça. Mais la pochette, il n'y avait rien, c'était blanc, puis c'était écrit Metal Gear. Ah, c'était beau, là. C'était parfait. Hein. C'était un rouge métallique. Métallique, là. Ouais. Ah non, c'était. Tu sais que c'était beau. Bel objet, beau jeu. Révolutionnaire. Expérience incroyable. Moi, j'étais à Montréal en appart, puis je dormais pas pour jouer à ce jeu-là. C'était. Moi, ouais, j'ai tout le temps trouvé que ça torchait Splinter Cell aussi. Ouais, ouais, j'ai oui, joué oui, à oui, Splinter totalement. Cell 1, mettons, ouais. Au Xbox premier. Puis j'étais comme, que c'est ça? C'était ouais. Une copie de merde. Ben, Splinter Cell est finalement est tombé premier, dans l'oubli. Sorti en premier, ouais. Donc. Ça a tombé dans l'oubli, c'est franchi. Ben, pas mal. Je pense que le dernier, c'était Conviction, qui était pas mauvais, mais ouais. Les c'est gens... Mais c'était pas des jeux mauvais, c'est juste, tu sais, comme... Ouais, t'étais tout le temps à Night Vision, en plus, dans Splinter Cell. Si tu ouvrais ton Night Vision, t'étais tout le temps là-dessus. C'est la touche de Sam Fisher. Ouais. J'avais fait Conviction, puis tu sais, c'était quasiment un couloir, tu sais. Ouais. Tu fais du stealth dans un couloir. Ouais, c'est ça. Ah, oh mais Snake, boy. Solid Snake, man, aussi, c'était tout qu'un personnage. Vraiment, là. Tu sais, de l'attitude, là, comme c'est pas possible. La oui. Voix, tu sais. Oui. Il fume, il perd de la life. Je manquerais de fume pareil. Ouais, c'est ça. L'option était là. Ben, elle a tout le temps été là, en fait. Ouais. Donc, ouais, non, c'était très. Non, puis David Hayter à la voix, qui était malade. Ouais. Là, ça a changé avec le temps. Je pense que c'est Kiefer Sutherland qui le fait, mais. Ah, oh, ouais, pour vrai. Ouais. Wow. Puis. David Hayter qui est scénariste de X-Men 2. Ah, ouais. Pour vrai? Ouais, tu checkeras sur IMDb. Si, Monac, c'est un bon fun fact, ça. Voix de Metal, de Solid Snake. Ouais. Scénariste, co-scénariste d'X-Men 2. Aïe, aïe. Un homme a plusieurs cordes à son arc. Struggling. Bon, moi, 14e, je vais passer au numéro 14. On parlait de couloir tantôt. Counter-Strike. Ouais. Dans le fond, yes. Là, je parle de l'itération originale, là, possiblement la version 1.6 là, pour les puristes, là, où... la seule qui existe. En fait, il y en a plein d'autres, mais ouais, non, c'est celle qu'on se rappelle. Dans le fond, ce jeu-là, là, c'est un des gros pionniers du e-sport. T'sais, dans le temps, il n'y avait pas vraiment de compétition. Il y avait peut-être Quake. Counter-Strike, lui, est arrivé. Il a pris le monde par une tornade totale. Puis ça, faut pas oublier par où tu veux. T'sais. Faut pas oublier que c'était un mode gratuit, dans le fond, d'Half-Life. Fait que, tu sais, t'avais Half-Life, t'installais ça. C'était un dude qui a fait ça dans son sous-sol. Puis, tu sais, c'est devenu populaire. De petit à petit, Valve s'intéressait à ça. Puis, ultimement, c'est devenu un titre original. Donc, il y a même eu un release standalone là, de Half-Life, de Counter-Strike, c'est-à-dire. Mais ça, pour n'importe qui a joué, tu sais, c'est une drogue totale. Tu sais, genre, super simple. T'as pas trop d'armes, juste assez. Pistole, puis armes primaires, tu sais, mettons. Tellement précis, tellement le fun. Les cartes étaient toutes bien faites. T'sais, on se rappellera tous de DOS, DOS 2, Aztec. T'sais, c'est épique. Il y a Prodigy, que j'aimais beaucoup, qui est revenu dans la dernière version en fait de Counter-Strike. Mais t'sais, ça, là, t'sais, tout était là, la précision. Puis c'est vraiment le pur gaming, multijoueur, t'sais, skills. T'sais, t'es là, puis c'est basé sur tes skills. T'sais. Tu peux être tout seul contre 8 dudes, puis ton équipe est morte, puis faire gagner ton équipe. T'sais, c'est incroyable le feeling de ce jeu-là. Puis tu peux choisir de foncer dans le tas, puis d'être gun-ho, puis de te faire tirer, mettons, en rushant comme un fou, ou te cacher, puis faire des approches. T'sais, c'est vraiment... Tu peux jouer un peu comme tu veux, mais t'sais, c'est incroyable. T'sais. Puis ce jeu-là, encore aujourd'hui, t'sais, bon, c'est une itération. Ils ont sorti, mettons, trois versions après. T'sais, présentement, Mais c'est encore un des top jeux là, e-sport. C'est ça, c'est un jeu de compétition. Ah oui, tout le temps, mais tu sais. Mais c'était juste, tu sais, la base était là. Tu sais, quand on a chacun 1.6, c'était déjà tout là. Là, tu sais, il n'y a pas grand-chose de nouveau là, qui fait une différence massive. Là. Donc, c'est un jeu qui était parfait là, pour moi là, à l'époque, là, puis qui l'a encore. Tu sais, j'ai passé plusieurs nuits blanches à jouer, tu sais, en modem. Mettons un 56.6 là, pis t'sais, avec un ping de boîte, mais t'sais, c'était tellement addictif là. Puis tu sais, je regrette pas. T'sais, j'ai joué un peu à Source aussi, mais c'était un peu moins bon, t'sais, mais définitivement cette version-là a quelque chose de suprême. Là, t'sais, elle a vraiment mis la barre tellement haute pour tous les autres jeux multijoueurs. Puis comme je dis, un des gros pionniers du e-sport, si on n'a pas Counter-Strike, le e-sport actuel est différent. T'sais, il est peut-être affaibli, disons, là. Fait que super jeu, genre. Si vous avez jamais joué, tu sais. Bonne chance en ligne. Ouais, c'est ça. Ah, clairement. J'ai trop tard. Ouais, c'est ça. Ouais, si vous avez jamais joué, trop tard, mais laissez faire. Streamer sur Twitch. Dans ce temps-là, je jouais à Return to Castle Funstein. Qui était excellent, mais c'était un peu plus tard, Return to Castle. Ah ouais, qui était excellent. Là. Ouais. C'est un genre différent. C'est plus fonce dans le tas. Ouais. Tu vois, il y a des éléments de Return to Castle Funstein qui ont été réutilisés plus tard. Overwatch, un petit peu de ça, mais. Mais ça, c'était avant, là, vraiment. Ouais. C'était le premier gros mode à succès, on peut dire, là, sur Half-Life. Il faut dire qu'à l'époque, c'était vraiment un mode fest. Il y avait des modes de vampires. Il y avait toutes sortes d'affaires. D'ailleurs, le premier Team Fortress était un mode de Half-Life. Tout à fait, exact. Ouais. Fait que, mais bon, super jeu classique qui mérite sa place dans le top 25. Numéro 13, maintenant. Donc, numéro 13, c'est Metroid Prime. J'espère que c'est bon gameplay, ce coup-là. Ouais, je pense que c'est bon. Je pense que ouais, ben, ça a l'air d'une pub, là. Ça se peut. Mais il va avoir le gameplay après, j'imagine. Ouais, donc voilà. Metroid Prime, c'était un jeu qui était voué à l'échec. Oui. T'sais. C'est Retro Studios. Puis là, c'était annoncé. Retro Studios travaille sur un nouveau Metroid en 3D en first person. Puis là, Retro Studios était un petit peu comme inconnu à cette époque-là. Puis personne ne croyait au projet. T'sais. Comment amener Metroid en first person? Et puis finalement, ben, ils l'ont réussi pas à peu près, là. T'sais, pour moi, c'est ils ont réussi à transposer en first person ce qui faisait l'essence de la franchise, c'est-à-dire l'exploration, faire du backtracking, découvrir des secrets. Ils ont vraiment transposé la structure Metroidvania dans un environnement en trois dimensions. Puis tantôt, on parlait de faire de la plateforme en first person, puis ils l'ont réussi aussi. T'sais. C'est vrai. Puis donc, pour toutes ces raisons-là, t'sais, Metroid Prime, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué. T'sais, j'avais joué au premier Metroid, ça neige, je m'en rappelle, puis ça me faisait peur. Là. Ouais, ouais. Super Metroid aussi, il y a des, Metroid aussi, des vibes épeurantes. C'est ça. Dans Prime, encore l'ambiance, plus. La musique, c'est de l'horreur. C'est ça là. Qui est le fun. Ben, de c'est très inspiré c'est de, semi-horreur. Là. C'est très inspiré de Alien, la franchise Alien. Puis Metroid Prime a vraiment amené ça dans un. Tu sais, ce que tu ressens dans Metroid, c'est un peu de la claustrophobie. Puis tandis que là, t'es vraiment t'es dans la tête de Samus, une espèce de truc. Il y a des bébêtes qui viennent vers toi. Puis tu sais, t'as pas une vision périphérique à 360. Tu fais, exact. Tu te promènes, puis t'as toujours peur de qu'est-ce qui va te sauter dans la face, puis tout ça. Mais tu sais, les autres, ils disaient, c'est pas un first-person shooter, c'est un first-person adventure. Puis tu le sens, tu sais. Oui, il y a beaucoup de tirs, évidemment, mais. C'est pas le but, c'est pas ça. C'est vraiment une aventure. C'est vraiment découvrir l'environnement. Ah, il y avait de l'exploration, c'est pas mal. L'ambiance, quand même, puis ça fait que. Tu sais, pour moi, c'était la meilleure façon de faire Metroid en 3D. Tu sais, des fois, c'est. Ouais. Tu veux transposer ça quasiment, tu sais, littéralement. Tu dis, ben, c'est en side-scrolling. Ça fait qu'on va amener ça en side-scrolling en 3D. Mais quand tu. Changer de 2D au 3D, c'est comme changer de médium pratiquement. Oui. Il y a travail d'adaptation, puis les autres ont vraiment compris ça, puis ils l'ont amené ailleurs. Mm-hmm. Ouais, ça a été un succès aussi. Là. Ça a été une trilogie. Oui, il y a eu le 2 sur la GameCube, puis le 3 sur la Wii, puis après ça, ils ont refait la trilogie adaptée à la Wii. Avec un case en métal et une petite pochette en plastique que je possède et qui prend de la valeur. Oui, il prend de la valeur. Vraiment, c'est un beau paquet. J'ai jamais joué. J'ai starté Metroid Prime. Puis je trouvais ça plus accessible pour moi en tant que gamer pas bon de first person que, mettons, Portal. Mais j'ai pas... C'était trop pour moi. Fun fact à propos du jeu, c'est que ils ont engagé une actrice, ils ont enregistré des voice-overs mur à mur, OK. Puis on n'a utilisé aucun. Le... silencieuse d'un bout à l'autre, comme dans les premiers jeux. Oui. Parfait, ça. Puis ça marche. On a changé ça dans Other M. Ouais, ouais, malheureusement. Pour le meilleur ou pour le pire. Puis Other M, je pense, un petit peu tué la franchise. Ils ne savaient pas trop où aller avec ça. Puis ils ont mis ça dans la main d'une équipe peut-être qu'ils n'ont pas tellement compris le personnage puis qu'est-ce que les gens s'attendaient à propos de ce personnage-là. Ouais. Puis là, je pense que Nintendo sont comme, ouais, qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu sais? Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment eu... Moi, c'est ma théorie, là. Je fais des suppositions. Ben, il avait essayé de faire un... Ah non, je me trompe avec Megaman. Parce que Retro Studio travaillait sur un Megaman First Person. Okay. Mais non, c'était pas Metroid. Mm. Mais en tout cas, moi et ma PSP Go, on a bien gros aimé Other M. Ouais. Mais il est pas un mauvais jeu, il est le fun. Mais l'aspect narratif. Le narratif est un peu raté, à mon avis. Puis, le gameplay, il est le fun, mais il n'y a pas d'exploration. Tu fonces tout le temps, tout droit. Puis, il y a du backtracking, mais le backtracking, il se fait de lui-même parce que ça fait des e-books. Tu fais juste comme courir, puis tirer, courir, puis tirer. Puis, il n'y a pas ce côté où est-ce que. Bon, je check ma map. Là, je suis là. Ouais. Il faut que j'aille là, mais j'ai pas l'item qu'il me faut. Ça fait je vais aller retourner faire ces bouts-là. Tu sais, comme dans Super Metroid, puis dans le premier, tu sais. Ouais, le sens de Metroid. Il y a ce côté-là où est-ce que, tu sais, ta map, tu loupes souvent. Ben oui. Puis t'es comme, OK, là, je suis rendu où? Je m'en vais où? Qu'est-ce qu'il me faut? Puis, donc, tu sais, ils ont vraiment capturé ça, tu sais. Exact. Donc, voilà. Numéro 12. Il en reste 12. Deux avant la pause. Numéro 12. Ouais, numéro 12, je vais le faire speedy, c'est Katamari Damashi. ce jeu-là, en fait, moi fucké en hostie, ça. Il est fucké en hostie. Puis c'est un peu pour ça que je l'aime, mais aussi à cause que le gameplay est vraiment le fun. Puis aucun autre jeu que je trouve, en fait, qui est comme ça. J'ai toujours aimé les expériences quand même assez originales dans les jeux vidéo. Puis là, là-dedans, je veux dire, on l'a, l'expérience originale. T'as un petit personnage de 5 cm qui ramasse des objets sur une sphère. Puis il faut que tu les ramasses pour que ça fasse une grosseur qui est demandée par une espèce de roi qui est méchant puis sauvage avec toi sans arrêt. T'sais, toi, tu veux juste son amour, puis lui, il arrête pas de te rejeter puis de te niaiser. Fait que c'est fantastique, tu vis le rejet sans arrêt. Puis c'est vraiment, c'est ça, c'est super coloré, c'est très japonais. La musique a été cœurante dans ce jeu-là. Là, sérieux, si vous pouvez juste là, aller sur YouTube, puis sans même avoir joué au jeu, chercher le soundtrack de Katamari Damashi, vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Mais en fait, ce jeu-là, il est tellement... Ça venait d'une autre planète, tu sais. Oui. Toute la franchise, tu sais, puis c'est fou comment c'est addictif. En même temps, tu sais... Tu veux te rouler ta boule plus grosse pour ramasser des plus gros objets. T'sais. Ouais. Il y a un côté, là. C'est indescriptible. Faut vraiment jouer à ça. Parce que faut y jouer, c'est ça. Si tu regardes ça, t'sais, c'est drôle pis tout. Mais jouer, c'est comme. Tu comprends pas pourquoi tu peux pas arrêter. Ouais, exact. Mais vraiment un beau non, jeu. Non, pis ça se joue avec les deux joysticks, tu sais. Fait que t'sais, tu pèses les deux par en avance pour avancer ta boule. Si t'en baisses un, tu tournes. Si tu fais comme en avant, en arrière, il va se mâcher, il va dasher. Ouais. Bref, il y a comme plein de techniques à ce jeu-là quand même. Puis tu sais, à la fin, tu peux littéralement rouler des villes au complet. Puis ça fasse la grosseur d'une planète. Ouais. C'est vraiment incroyable. Là. Mais tu sais, c'est ça. Tu pars d'un trombone. Ouais. C'est ça qui est cool. Puis tu peux rouler sur des gens, puis tout ça. Puis ça te montre qu'est-ce que t'as roulé. Mais... C'est fantastique. C'est le seul jeu, en fait, de son genre. Il y a pas de jeu de même. Ça existe pas. Fait que... ouais. Non, moi, c'est un jeu très, très important dans ma vie. Puis aussi même dans ma vie de dessinateur, de graphiste. Ça m'a influencé pour plein d'affaires. Fait que c'est ça. Je l'adore. Onzième position. C'est The Elder Scrolls 3 Morrowind. Donc, c'est le troisième jeu de la série Elder Scrolls. J'ai une faute d'autographe, je pense. Puis, c'est Morrowind avec un D à la fin que j'avais un G. Non, c'est avec un D, ouais. Donc, j'ai... Morrowind. J'étais sous tout le long. Je pense. C'est la version, la version iPad. C'était vraiment... C'est le premier... c'est la version récoton. C'est le premier jeu de la série qui était réellement en 3D. Les deux premiers avaient une perspective 3D, mais c'était comme des trucs en carton un peu. C'était pas vraiment des polygones. Puis là, celui-là, c'est complètement ailleurs. Là. Tout est en 3D. C'est comme c'est vraiment un environnement en 3D immense. Puis, tu sais, la philosophie qu'on retrouve aujourd'hui dans Zelda Breath of the Wild, ben, c'est vraiment la philosophie des jeux Elder Scrolls où est-ce que tu commences souvent dans une caverne ou en prison, puis là, tu sors dehors, puis là, c'est soit tu as une quête principale, soit tu pars à l'aventure. Puis le jeu est vraiment designé pour ça. Tu sais, vraiment, tu as le choix de juste dire, ben, fuck that, puis je m'en vais. Puis un peu à la manière des jeux Donjons et Dragons, tu peux décider d'être un gars gentil ou méchant. Puis tu as toutes sortes d'habiletés que tu peux développer. Puis ce qui est le fun, c'est que tes habiletés, ils se développent selon tes actions. Tu sais, si tout le monde est en train de courir, puis en train de sauter, puis unlocker des portes, ben ça va monter tes habiletés par rapport à ça. Tu sais. Tandis que si tu es tout le temps en train d'utiliser des grosses armures puis des grosses épées, ça va développer des habiletés par rapport à ça. Donc, ton personnage est vraiment customisable à 100%. Tu sais, puis c'est pas prédéterminé. Tu sais. On peut chacun se partir une game de Elder Scrolls 3 ou des autres, n'importe quel autre Elder Scrolls, puis ça va être une expérience totalement unique, exact. Totalement différente. Mm. Parce qu'il y a des centaines et des centaines de quêtes à faire, puis on va pas faire les mêmes. Tu as des factions que tu peux rejoindre, puis là, quand tu as complété leur quête, tu deviens le boss de ces factions-là. Puis contrairement aux jeux plus récents, Oblivion puis Skyrim, oui. Dans Morrowind, il y avait. Je pense qu'il y a une limite, mais il y a pas les ennemis ne scalent pas selon comment tu upgrades. Okay. Ça fait qu'à un moment donné, si tu deviens vraiment bon, tu te sens vraiment puissant, puis là, tu one-shot des ennemis qui ont l'air tough, puis tu arrives, puis BAM! Puis tu as vraiment le sentiment de j'ai progressé, j'ai vraiment travaillé fort. Puissance. Puis, c'est pas du grinding. C'est pas du grinding niaiseux où est-ce que tu fais toujours les mêmes combats puis tout ça. T'es vraiment dans l'exploration, là, tu trouves des donjons puis tout ça. Puis c'est un jeu avec un lore incroyablement riche. Comme dans tous les Elder Scrolls, tu peux trouver des centaines de livres que tu peux lire. Tu peux passer des heures. Il y a une ville dans Morrowind qui s'appelle Vivec, puis t'arrives, puis il y a comme une immense bibliothèque. Puis chacun des livres sur la bibliothèque, tu peux le manipuler, puis tu peux lire ce qu'il y a dedans, puis des pages et des pages. OK. Wow. Pis, donc, tu sais, moi, ce jeu-là, mon frère avait acheté une carte graphique, puis là, il y avait comme le CD de Morrowind qui venait avec, puis dans ma tête, ah, c'est un démo, genre. Finalement, non, c'est le jeu au complet, puis on est comme, oh shit. Puis quand j'ai vu ce jeu-là, j'ai fait, wow. C'est le jeu dont je rêve depuis toujours puis que je pensais pas que ce serait possible de faire. T'sais, vraiment un environnement huge 3D où est-ce que tu peux faire ce que tu veux. Bah ouais. Tu peux tuer des personnages importants. Il y a un personnage qui est dans une quête, puis tu tues le personnage, puis tu peux plus remettre la quête, mais c'est pas grave. tu peux vraiment avoir un impact réel et permanent sur ton environnement. Okay. Le jeu, si c'est un personnage par rapport à la quête principale, le jeu va te dire ouais, tu viens de tuer un jeu vraiment important, un personnage vraiment important à la quête principale, tu veux-tu reloader ta game avant ça? Mais tu peux décider que non, puis tu fuck la game, puis que tu tues tout le monde. T'sais. Donc, c'était vraiment genre mind-blowing à l'époque. T'sais, tu rêves en jeu comme ça, mais tu pensais pas que c'était possible, puis que ça laisse faire un jour, puis ça fait que... Grâce à la technologie moderne. Puis depuis, je suis devenu un grand fan. Quoique, le quatrième Oblivion, je l'ai trouvé un petit peu plate. Oui. Puis je pense que ça a comme un peu tué le moment. Skyrim, c'en est pas un, Esther? Ouais, c'est Skyrim, c'est vraiment comme... Mais ça, c'était pas bon. Hein. C'est non, Skyrim, il... Skyrim a vraiment atteint... Notre life est tombé à 25. Je pense qu'avec Skyrim, ils ont vraiment atteint le mainstream. Avant, je pense que c'était un petit peu plus niche, la série. Ouais, c'est ça. Oblivion, c'était un peu plate comme jeu. C'était vraiment pas diversifié autant au niveau des environnements, alors que Morrowind, c'est vraiment comme exotique comme environnement. C'est vraiment comme une île à part, puis t'as des espèces de bibites bizarres, puis tout ça. Puis, ouais! Donc, c'est vraiment un excellent jeu à découvrir. Puis, je pense que c'est le premier qui sortait sur console aussi. Il était sorti sur Xbox. Donc, un jeu à découvrir. Fantastique. Rétro PC, on n'en fait pas assez. C'est vrai. On en apprend beaucoup, en tout cas, avec toi sur ce style de jeu. On va sortir notre DOSBox, là, puis on va faire ça. Je pense pas que t'as besoin de DOSBox pour... C'est du OpenGL, genre. Fait que là... Fait qu'on est rendu à la pause. Là, on invite tous les gens à écouter la pause. Qu'on a 5 minutes, c'est ça? 10. Chris. JF a monté 10 minutes de nos meilleurs moments de Rétro Nouveau. Ouais, c'est tout ce qui est en vidéo. En fait, tout ce qui est en vidéo, il a creusé toutes les archives, puis il a déterré des merdes des pas possibles, des petits bijoux, des affaires atroces. Il y en a pour 10 minutes. Ah, c'est notre pause spéciale pour l'épisode 100. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, ça va. Vous irez voir, on a une archive vidéo. Ben oui. Il y a plein de stocks là-dedans. On a fait des émissions télé pendant un bout. Puis que, c'est ça, c'est un beau flash à notre passé, puis ça cadre parfaitement dans le 100e épisode. Mais, hein. Puis on va même le détacher, hein. Ouais, on va le mettre disponible au courant de la semaine, juste ce bout-là vidéo. Sur YouTube, pour ceux qui veulent l'écouter. Mais ceux qui sont là, gâtez-vous. Même, il y a juste JF qui l'a vu. J'ai vraiment hâte de voir ça, ça va être tardant. Fait qu'on s'en va en pause, puis on vous revient avec le top 10. Right. Yes. Yes. Tantôt. Hop, on a comme. On a perdu le son de la pub. Excusez tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? La pub est jammée. Attendez un petit peu, je vais remettre les caméras. OK. Excusez, là. Je m'attendais pas à ça. Non plus. La pause n'est pas finie, là, Dom. Je vais essayer de changer les cams, peut-être, là. Okay. Bruno, ils sont pas encore là. Ah non! C'est quoi ça? Ça sent le parfum d'Hardy. Hein. Pas cette musique-là. C'est quoi cette affaire-là? Ah non! Ah, come on! Vous êtes pas en prison, vous autres? Vous êtes pour rentrer chez nous, vous autres? C'est quoi ce chenoute? L'équipement! Je suis pas payé assez cher, ma femme. Non! Même. Qu'est-ce que c'est ça, ce studio BS-là, ici? Pudus! On s'arrive de prison, j'ai jamais vu autant de queue de toute ma vie. Mais on était hors Saint-Ville, on s'est fait pogner dans un deal d'or gris. Eh ouais! C'est maison, man, il y en avait de la cassette. Il y avait de la cassette, mais on en avait pour 6 000$. Ouais, man, ça valait la peine de faire 15 ans pour ça. Ouais. On s'est fait dénoncer par des hosties d'admin, là, de pages, de collectionneurs, de Facebook. Des revendeurs, c'est tout ça. Même on n'est pas des revendeurs, man. Si Mario Gladys, ta gueule! C'est pas parce que t'es un Portugais, là, que Chris, là. Non, là, il cite. Calisse. Hey, c'était tough en dedans, man. Ouais. Ça a été dur. Vous étiez pas invité ici, vous autres, pour le 100e? Hey, là. Sacrement. De toute façon, là, c'est quoi ça ici, de l'équipement monoprice, tabarnak, bande de pauvres? Vous avez même pas de chip en plus. Il y a même plus de chip là-dedans, tabarnak. Pas de chip de l'eau. Vous étiez pas avec la petite caisse. Des horloges Gaston Lepage ici, t'as cette petite merde de Chris, voyons donc. Ça marche pas pantoute ton affaire. Jean-François Crump, t'es supposé être le Jésus de l'Internet, c'est ça qu'il disait. C'est-tu eux qui avaient piqué ton ancien laptop? Ouais, entre autres. Non, c'est pas nous autres, ça. C'est arrangé. Eux qui ont fourré ma Wii U aussi. Non, ça c'est Bobby Dubé, le gars qui reste à Terrebonne, c'est lui qui t'a volé ton stock, c'est pas nous autres. C'est vous autres qui avez la Snow Brothers aussi, là. Non, y'a pas de Snow Brothers, je sais même pas c'est quoi. Chris, on sait pas c'est quoi pendant Qu'est-ce que tu bois, toi, hipster, là, de la bière en petite bouteille de fif? Calisse, man! Au moins, il y en a un ici qui sait de quoi il parle. Il boit des vrais. Ça, c'est de la vraie bière. Ça, c'est bon. C'est qui boit ça? C'est Papa Cassette qui est supposé être assis ici. Ouais, ce style-là. Hey, lui, c'est un mangeur de marde. Lui, il va nous entendre parler en tabarnak. Hey, j'étais hostie de frais chier avec son full set de cul de Chris. Ouais. Passé à se tanner de l'entendre parler. Même pas capable de booter un hostie de Xbox One. Non. Ça joue au Nintendo. Oui. Hey, vois mes trouvailles, hostie. Regardez mes jeux Atari. Chris de colon. Hostie d'épais. Hey, en tout cas, je peux pas croire que tu joues en bière. Ouais, pis en plus de ça, depuis qu'on est plus là, Bruno vient et puis à Monsieur Net. Monsieur Net, ça existe même plus. C'est à cause de nous autres, ça, Chris. C'est clair, man. C'est nous autres qui t'as arrêté. C'était pas bon, c'est... C'est pas bon, man. On a tout arrêté ça, c'était... On a tout arrêté. C'est à cause de nous autres que Monsieur Net existe plus. Vous êtes pas mal la cause de bien des problèmes, je vous dirais. Non. Si le monde allait bien, tout le monde jouerait à Call of Duty. Le monde ne comprenne pas, man. Call of Duty, ça passe tout par Call of Duty. Call of Duty, Mountain Dew, Les cheveux. Check lui, man, en dedans, il s'est fait faire une permanente. Une perm, man. Comme une kiffeuse, esti, à Presidio Turquoise Métallique. Ouais, esti, en dedans, j'ai rencontré un coiffeur. On connaît ça, nous autres, les cheveux ici. Oui. Pas comme vous autres. Check ça! Calisse! Eh oui, mais ça! Ça n'a pas d'allure. Hey, on crisse notre camp. On calisse notre camp. C'est vraiment de la marge. Vous êtes une gang de trucs qui... Vous n'étiez pas invité. Puis comment vous avez fait pour rentrer chez nous, vous autres? On rentre où est-ce qu'on veut. Surtout à Longueuil, man. On connaît le hood ici. Mais hein. Ça n'est pas que j'appelle la police. C'est pas. On connaît la police. C'est nous autres la police. Ouais, mais pas besoin de frapper pour rentrer. Va chier! Bon, c'est là qu'on commence. Fait que continuez votre 5e épisode de marde, là. Puis on vous en souhaite sans autre. Ça va être super. Bon, c'est de marron, c'est de un panier pour non, non, deux va chier. Va chier. Oh, monsieur, je pense qu'ils s'en viennent. Ils s'en viennent. Ramène mes 5 minutes avant qu'ils arrivent. Non, laissez tout ici, vous autres. Là. Si on ramène ta bière de Guinée, là, elle se ramène là et garde ton 5 cents. Deux estis de loser, pas de nom. Qu'est-ce qui se passe? Va t'en acheter ton serpent. Ta boire. On s'excuse pour... Désolé, c'était pas prévu que... Là, on va remettre la bonne... C'est mère. C'est à ce moment-là qu'on aurait eu besoin de Ferdinand Social. Ça, ouais, lui il fait le ménage. Mais ben là, on va remettre la vraie track parce que j'haïs cette maudite toune-là. Oups, excusez. Bon, allons-y. Alors... Bon, mais avant cet événement, on en a annoncé le numéro 10. On espère que... Que Dom et Bruno vont. Ouais, on a un peu désolé, mais ouais, ok. De toute façon, dans le cabinet, là. Ils s'en calissent du numéro 10. Ouais, c'est ça. Ouais, ben les seuls joueurs qui ont joué à 10 sont dans le studio en ce moment. Fait que numéro 10. Ouais, le numéro 10 est dédié à Eric Hébert. Ouais. Respect du collectif. World of Warcraft. Donc, ce jeu merveilleux qui a coûté le. Je dirais, probablement briser plusieurs couples. Fait qu'il y a plusieurs gens qui avaient un avenir prometteur. ont finalement abouti comme gamer de sous-sol. Qui est quand même un jeu merveilleux en soi. Il est encore actif, ce jeu-là. Ouais, en tout à fait. Encore actif. Tu peux encore payer. Mais tu peux jouer gratuit maintenant, je pense, jusqu'au niveau 20. C'est un jeu superbe qui a révolutionné tout ce qui était MMORPG. Ça l'a rendu accessible, les MMORPG. Tout à fait. T'sais, avant, il y avait Ultima Online qui a été vraiment le pionnier. Mm-hmm. Après ça, tu as eu EverQuest. EverQuest faisait juste faire du grind à plus finir. Il y a eu Dark Age of Camelot aussi qui était excellent. Mm-hmm. Mais quand World of Warcraft est arrivé, il a pris la place d'à peu près toutes les autres MMORPG en ligne. C'était juste de la bombe. T'sais, ça a pris peut-être 50 plus avant de l'avoir qu'on était supposé. T'sais, moi, quand j'ai acheté Warcraft 2 Battle.net Edition, il y avait à l'intérieur une espèce de preview, un pré-rendu de ce que ça pouvait être. Ça n'avait rien à voir avec le jeu final, finalement. Tout ça pour dire qu'ils ont pris leur temps bizarre puis ils ont pondu un chef-d'œuvre incroyable. C'est encore up aujourd'hui. Il y a des expansions à peu près. C'est aux 2 ans maintenant, ouais. C'est plus aux années. Ouais. Mais ils ont revu le modèle des personnages. Donc, c'est un jeu qui est supposé être comme... avoir mal vieilli, si on veut, graphiquement. Et pourtant, c'est toujours le fun à regarder. Je me rappelle, ça fait une couple d'années que j'ai pas joué, mais je me rappelle que je jouais puis je m'arrêtais encore des endroits où je suis « Ah, wow, c'est beau! » Puis tout est dans la direction artistique, tout est dans, le style, le design des environnements. T'sais. Ah ouais, mais tu sais, aussi, c'est un système avec des polygones très, très bas, en fait, mm-hmm. pour être capable de jouer sur des PC plus vieux. Puis ça a fait qu'ils ont mis beaucoup d'emphase sur la direction artistique puis les textures qui étaient superbes. Donc ça a bien tenu, dans le temps, même s'ils ont upgradé maintenant l'engin. Mais ça reste un jeu qui était tellement profond, tellement de zones à explorer, des donjons, des quêtes, le Room vs. Realm qui était PVP dans le fond, qui était superbe. Ouais. Il y avait tout dans ce jeu-là, les classes qui étaient intéressantes, les deux factions... Le multijoueur, c'était juste un jeu parfait, t'sais. Puis aujourd'hui encore, je pense que peut-être un bon an mal an, 5 à 6 millions. bon an mal an, c'est un dude qui vend des bananes. Je pense que le pic, ça a été 12 millions. Ça a redescendu, puis je pense que ça a remonté un peu avec la nouvelle expansion. Ouais, c'est ça, mais superbe jeu. Un jour, on va être triste parce que c'est le genre de jeu qui a besoin d'un serveur pour rouler. Si officiellement, Blizzard, tu sais, la plug, pas tout de suite, mais peut-être dans quelques années. Mm-hmm. C'est sûr que l'Internet va continuer à avoir des serveurs illégaux. Il y en avait déjà pas mal, là. Ouais. Mais non, superbe. Je ne savais jamais jouer à ça. Je pense que, comme gamer, vous devriez essayer. C'est gratuit, de toute façon, pour les premiers niveaux. Peut-être que vous allez trouver ça moins intéressant aujourd'hui. Ça n'a peut-être pas si bien vieilli. Je vais te donner, je pense que c'est vraiment ton genre de jeu. Tu devrais... World of Warcraft? Ça joue comme Command & Conquer, ça? Ça peut préparer. Non. C'est plus... c'est comme un RPG, si tu veux. Ouais, mais non. Excellent jeu, je sais. Il faut qu'il soit là. Si on veut qu'Éric Hébert continue à... Mais juste pour ce qu'il a amené au niveau du jeu, le gaming, l'histoire, là, il devait être dans le top 10. C'est là-dedans, hein? Milord! C'est dans Warcraft. Ouais. Mais ce que ça a amené, j'ai juste joué à Warcraft. J'ai tout arrêté. Warcraft 2. Mais ça nous a amené des trucs comme Leroy Jenkins. Ça a touché la culture populaire. C'est juste un jeu trop important. Puis c'était tellement bon. Je regrette un peu. D'ailleurs, moi, j'ai fait un mémoire de maîtrise. Puis dans mon mémoire de maîtrise, je ne remercie pas Blizzard à cause de World of Warcraft. Puis Valve. À cause du temps que j'ai investi, j'avais aussi Mythic Entertainment. Parce que, genre, j'ai pris 5 ans au lieu de le faire en 3 ans. Mais anyway, superbe jeu. Puis encore aujourd'hui, vous pouvez l'essayer. Puis, tu sais, c'est juste un univers riche aussi en narratif. Tu sais, dans Warcraft 3, il y avait l'expansion de Frozen Throne. Puis là, dans World of Warcraft, une couple d'expansions après, t'as. The Lich King, qui finalement met fin à cette histoire-là. C'est comme une aventure, une histoire épique montée sur des années. Donc, c'est un jeu immortel. Tout à fait. Puis d'après moi, quand le jeu va être comme sur le point de mourir, ils vont dire « OK, c'est free to play! » Puis là, bam, ça va remonter pour un autre 10 ans. c'est pas prêt de disparaître. 9e. Oui, on est de retour. Oui, bienvenue en studio, messieurs. Vous avez laissé la porte ouverte pendant la pause, je pense, parce qu'on a eu des intrus qui sont rentrés. On est allé au dépanneur chercher des Doritos. Plus de Doritos. Un petit gros sac. D'ailleurs, passe-moi ton bol, Nicolas. On va te faire remplir ta un refill de Doritos. Fait que là, rempli de Doritos pour moi. Pour moi, Costco. C'est pas une truelle. Une gamelle. Une gamelle. Super. Pendant qu'on voit le numéro 9 à l'écran. Ben oui, numéro 9, Super Mario Galaxy 2. Ouais. À mon avis, le meilleur 3D platformer de tous les temps. Rien de moins. Ouais. Sérieusement, c'est parce que, tu sais, même pour les fans de Mario 64, je suis pas un fan de Mario 64, mais ça, Mario 64 a permis à cette licence-là d'avancer dans le monde du 3D, puis de devenir de meilleur en meilleur. Puis Galaxy 2, c'est vraiment, je veux dire, c'est sans faille, ce jeu-là, en fait. Puis même, tu sais, oui, on va dire, les gens vont dire, ah, mais tu sais, c'était sur Wii, mais même sur Wii, si tu joues à la Wii, t'as pas grand jeu qui vont arriver à faire ce que ce jeu-là fait. Puis malgré les limitations techniques de la Wii, ce jeu-là était incroyablement beau visuellement, roulait très bien. Puis c'est un jeu qui se joue très bien avec la Wiimote et le Nunchuck. Ça, sérieusement, ce jeu-là, c'est qu'il est tellement varié. C'est un jeu qui... Ça change sans arrêt. Tu peux vraiment être un gars qui est hardcore, tu peux être un newbie, puis triper sur ce jeu-là autant. Il y a des défis pour tout le monde. Il y a énormément de choses à découvrir dans ce jeu-là. Puis il n'y a jamais eu... C'est ça, il n'y a jamais eu un Mario aussi... complet, en fait. Ouais, là, tout à fait. Peut-être qu'Odyssey le sera. Ouais, Odyssey, je pense, va essayer de... Je pense qu'Odyssey va être le successeur spirituel de Galaxy 2. Exact. C'est ce que je pense. Parce aussi que, dans le fond, Galaxy 1 était un excellent titre, oui, mais le 2 a corrigé tous les petits défauts qu'il y avait au niveau de Galaxy 1. Tu sais, le hub, des fois, qui marchait un peu moins bien. Oui. Yoshi, qui n'était pas dans Galaxy 1, qui ont rajouté, en fait, dans Galaxy 2. Puis la façon dont... Tu sais, c'est propre à Nintendo, ça, de dire... C'est comme un genre de recyclage intelligent où tu vas refaire le même tableau, mais complètement différent en passant par un autre pad. T'sais, un peu introduit dans Super Mario World, hein, son ouais, jeu. Ouais. Mais ça, ils l'ont étendu là, avec une nouvelle réalité. C'était non, puis comme on génial. Voit ici, la drill, c'était fantastique. Ah, t'sais. La drill, la boule en roche pour pouvoir foncer dans les ennemis. Tout à fait. Il y a tellement de bonnes idées dans ce jeu-là. Là, les boss fights, ils étaient le fun. Ils étaient gros, encore une fois. Vraiment intéressant. La musique était écœurante. C'est... Moi, j'aime ça, un jeu qui te surprend là, tout le temps. Que tu fais la première heure, puis c'est pas fini. Là. Tu vas tout le temps découvrir quelque chose de nouveau. Ah. Ça, c'est le fun, c'est coloré, c'est plein de vie. Ce jeu-là, c'est vraiment un de mes meilleurs jeux à vie. Puis j'aimerais vraiment ça, par exemple. Je sais que c'est difficile parce qu'il y a certaines parties du jeu qu'il faudrait qu'ils refassent. J'aimerais ça qu'on puisse retrouver ce jeu-là sans motion control, tu sais. Ça serait difficile parce qu'il y avait des moments où il fallait que tu pointes à l'écran pour viser des étoiles pour pouvoir t'attirer vers ceux-là. Mais c'est sûr qu'il y a un moyen de le faire. Moi, ben, moi, j'ai pas joué au 2 encore, mm-hmm. je l'ai, mais avant ouais. de me lancer là-dedans, je sais que c'est une grande aventure, mais j'ai joué beaucoup au 1. Ouais. Puis j'aimais ça, le Nunchuck. Je trouvais ça quand même. Moi aussi, hein, c'était tellement très bien. C'était une fusion intégrée, parfaite, ouais. tout à fait, ouais. entre le gameplay et le hardware lui-même. Ouais. C'était comme un super fusion. Je pense que comme ouais. le jeu, oui, il n'y a rien qui ça. Là. Non, pas vraiment pas. Là, pour faire beau. Non, c'était pas une gimmick. Avec, ouais. là, mm-hmm. Puis si quelqu'un te regardait jouer, en fait, il pouvait ramasser tes étoiles pour toi. Ouais. Ouais, ouais. Ah, ben ouais. J'ai pas non, mais ça, c'était vraiment ouais. Tes enfants. Là, c'est... J'avoue. T'as checké. Là. C'est le fun, ça fait une participation un peu plus active que juste. Puis même dans. Vaut la peine de faire des enfants rien que pour ça. Bruno, il a fait grinder à Final Fantasy. Toi, ils vont ramasser tes étoiles. J'ai fait ramasser mes Pokémon à Pokémon Go. Non, puis dans Galaxy aussi, il oubliait. Pas les racines de Mario en 2D. Tu faisais certaines parties du tableau ouais. en side-scroller puis d'autres parties en 3D. Je trouve ça vraiment brillant. Puis Nintendo, encore une fois, réussit à faire ça, te faire apprendre le jeu sans que tu aies jamais l'impression d'avoir suivi un tutorial. Ça, c'est vraiment génial. Ouais. Fait que non, ce jeu-là, il est bien fait. Il est flawless. En fait, pourquoi je disais ça pour l'amener sans motion control, c'est que les motion controls, c'est un peu... Pas que c'est... fini, mais quasiment, parce qu'avec la Switch, il n'y a pas vraiment de pointeur. Tu sais, il y a un sensor dans le Joy-Con de droite, mais, ouais, mais ouais. c'est ça, tu sais. Puis ce jeu-là, j'aimerais ça qu'il ait comme une plus longue durée de vie. Tu sais, si tu joues sur Wii U, faut que tu aies ta Wiimote puis ton Nunchuck. Ouais. Puis je pense que certaines personnes qui sont passées tout droit, ils ont joué à Mario Galaxy 1, puis quand ils ont vu le deuxième sortir, ils ont fait comme « more of the same, fuck that ». Ouais. Puis ils méritent vraiment l'attention de tout le monde. Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'était une erreur de passer ce jeu-là, même si dans le temps, on pensait ouais. que c'était juste la même affaire. C'est vrai. Bon, oh, ben après ça... Numéro 8. Oh, crime, là, ça, c'est un gros... Un gros morceau. Chrono Trigger. The Ninja au Sega Master System. Chrono Trigger, c'est l'enfant du Dream Team, en fait, qui était un paquet de monde qui était chez Final Fantasy. L'illustrateur de Dragon Quest, qui était la plus grosse franchise au Japon. Tout est parfait dans ce jeu-là. Les graphismes, le gameplay, le design, l'histoire. C'était un méga, méga jeu pour 1995. Ouais. Quand tu joues à ça, là, c'est épique. Là, puis ça commence cliché comme n'importe quel bon vieux Japanese RPG ou Chrono d'or, qui est ton personnage principal. Ouais. Puis là, ça commence. Puis là, il y a un petit peu plus d'action que juste un turn-based classique. Là, mais ça reste quand même... turn-base, mais... ça me déplaît pas, là. Non, mais ça a été comme un peu plus dynamique parce que, tu sais, tu pouvais choisir d'attaquer un ennemi, puis selon le positionnement, ça devenait important, tu sais. Ouais. C'était une coche de plus que, tu sais, mettons, du Dragon Quest ou du Final Fantasy. Ah ouais, tu sais. Puis les combos... Les combos d'attaque, dans le fond, que tu fais à deux personnages ou à trois, ça rajoutait beaucoup, beaucoup de... Ça avait aucun de sens. Niveau. T'as plein de personnages super attachants, très intéressants, tous très différents. Tout à fait. Ce qui m'a aussi beaucoup épaté à cette époque-là, c'est les décisions que tu prends, ouais. ils ont un impact plus tard. Si, tout mettons, au début, tu pars à la course puis tu bouscules la fille, elle drop ouais. son affaire, là, tu donnes trois options. Est-ce que tu y parles? Est-ce que tu ramasses son truc, tu te sauves avec? Ben, est-ce que tu crisses ton camp? Ouais. Fait que si tu décides de juste crisser ton camp, ben plus tard, le juge, il dit « Hey, t'as crissé ton camp tantôt, t'es vraiment pas fin, on va te punir, tu sais. » Mais là, j'étais « Oh, fuck. » Tant de décisions à prendre. Et puis tant de fins aussi à ce jeu-là. Ce jeu-là, combien de fins différentes? Je sais pas, mais c'est plus qu'une dizaine, en fait. Il y a des fins cachées, il y a un paquet d'affaires, tu sais. Puis tout est significatif. Puis sans donner des spoilers, tu sais, je pense qu'après, mettons, 95, c'est plus vraiment des spoilers. Non. Mais tu sais, il y a Frog dans votre équipe, en fait, qui est une grenouille qui a été transformée par Magus. Puis lui... Vous avez un choix à faire à un moment donné. Magus, c'est un boss méchant, puis tu peux l'avoir dans ton équipe. Puis tout dépendant si tu le prends ou pas, ben ça devient différent au niveau de l'avenir de Frog, puis de toute la dynamique en fait du groupe. T'sais. C'est vraiment super intéressant. Vous pouvez jouer, comme Dom l'a dit, là, peut-être 10-15 fois à ce jeu-là, vous allez avoir des fins différentes. Mais c'est tellement, tellement satisfaisant. Puis tu sais, les équipes, il y a des gens qui ont des affinités ensemble, vous allez faire développer des moves. C'est incroyable. T'sais. Puis une des affaires, c'est un spoiler fou là, que j'ai le goût de dire, là, mais ils ont brisé, ils ont pas hésité à faire quelque chose avec le personnage principal à un moment donné. Ouais. Vraiment, vraiment intéressant, vraiment bien fait. Ben aussi, ce jeu-là, il est pas... quand tu marches sur la map, les monstres apparaissent d'en face. Là. Ouais, non, tu peux choisir les éviter. Tu choisis d'aller les battre toi-même. Ils sont sur la map. Puis exact. Tu les prends, comme l'excellent Final Fantasy Mystic Quest. Ouais. Tu choisis toi-même d'aller te battre quand tu veux aller te battre. C'est ça. C'est un autre niveau, mais tout à fait. Mais c'était vraiment super intéressant parce que de toute façon, tu veux les battre la plupart du temps pour augmenter tes niveaux. T'sais. Fait que ton choix, c'est souvent d'aller t'approcher de monde. Mais quand il te reste 3 HP, ben, tu penses à deux fois. Mais les personnages là, sont tellement attachants. Là. Il n'y en a aucun qui est inintéressant. T'as tout le temps la musique qui vient packer exactement ce qui se passe. Ça te transporte, ce jeu-là. Ça donne des frissons. Ça fait vraiment vivre beaucoup, beaucoup d'émotions. Puis le thème de Frog qui venait dans l'ancienne soundtrack de Retro Nouveau. On l'entend encore à chaque fois que ça arrivait, ça me prend au cœur. J'ai une larme à l'œil. Vous ne voyez pas, mais je m'essuie pendant qu'on présente des vidéos à l'écran. Parce que c'est trop... ce soundtrack-là est trop puissant, trop émotionnel. Vraiment incroyable. C'est un grand... Pas mal considéré comme le meilleur RPG au Super NES. Qui en a une trolley bonne? Il y en a tellement des bons. Console là, pour ça. Mais lui, clairement, pour moi, c'était un 10, ce jeu-là. Là, ah ouais. Puis encore aujourd'hui, au niveau de la façon dont les fins sont déterminées avec tes actions, avec ton équipe que tu vas prendre, quand dans le temps tu vas décider de battre le boss de la fin, parce qu'on voyage dans le temps, chrono trigger, il y a un aspect chrono, c'est temps. Okay. Alors, ça change vraiment. C'est vraiment, vraiment super intéressant. Et moi, je connais pas tant que ça, ce jeu-là, mais je le vois souvent cité comme inspiration. RPG, parce que vos inspirations, Chrono Trigger, il revient tout le temps. Ben, c'est ça. C'est comme là, entre autres, il y a I Am Setsuna, et on en parle beaucoup récemment, puis c'est un peu ça. Ils disent Chrono Trigger, c'est l'inspiration principale. Fait que c'est, possiblement, c'est un grand jeu. Là. Ouais, tout à fait. Possiblement la plus belle chose que tu pouvais faire en 16 bits, là, niveau RPG, là, c'est Chrono Trigger. T'sais. Ouais. Donc, magnifique. Ouais. Également disponible au DS, pour ceux qui s'intéressent. Ouais. Plus abordable que la copie physique en boîte complète qui est rendue... Combien, Ben, je me rappelle plus, en fait. 300. Cher en maudit. Chose de même. Une version PS1 aussi, qui est dure à trouver. Là. Ben, qui a des cinématiques ajoutées, ceux qui sont dans la DS. Okay. Ouais, c'est la version DS, c'est les cinématiques aussi. Michael, dans le chat, dit qu'il y a 12 fins au Super NES puis 13 au DS, s'il se souvient. Tabarnouche. Donc, Puis il y a une fin absolument pas rapport, que c'est les développeurs qui sont là, tu sais, puis c'est comme, c'est vraiment, vous irez voir sur les interwebs, YouTube, là, puis c'est bien intéressant. C'est hot. Numéro 7. Chrono Cross. Question de briser l'Internet. Ah, clairement, tu sais. Megaman 2! Yes! Megaman 2, en tout cas... T'es... Ben, quand on parle de action platforming... C'est pas mal ça. Puis de tous les Megaman qui sont sortis au NES, dans le fond, moi, c'est celui auquel j'ai le plus joué. Ouais. Bien sûr, les autres sont bien remplis. Ils ont rajouté des twists dans l'histoire plus. Il y a plus de châteaux, docteurs, il y a plein d'affaires. Mais Chris, le 2, il est accompli. Il est parfait. Mais je trouve aussi, c'est ça, il est super bien balancé, le deuxième. Ouais. Sérieusement, même si tu joues à toutes les autres, je suis un gros fan de Megaman. J'ai joué à toutes les Megaman, puis... Crime. Lui, là, je veux dire, n'importe qui veut jouer peut jouer à ce jeu-là puis avoir du fun, tu sais. Ouais. Les autres, c'est un petit peu... Ça a tout le temps été vers un public un petit peu plus hardcore, tu sais. Ouais, les autres, c'est pas mal le plus facile. Ça prend une coche, c'est plus facile. Celui-là est plus facile. Si tu connais le bon pat, tu sais, à un moment donné aussi, là, ça devient... Ouais, bien, il y a plus de boss que tu peux faire avec ton P-shooter là-dedans aussi. Moi, je l'ai fait quasiment tout au P-shooter. Exact. Quand je jouais, je savais pas qu'on pouvait faire ça, tu sais, prendre des armes spéciales puis blower des boss en 2 secondes. Fait que je les ai toutes grindées. Et d'ailleurs, fait intéressant, c'est Bruno qui m'a appris qu'on pouvait changer les armes, tu sais. Parce que le 1, moi, genre, j'avais grindé le 1, puis j'avais pas fini, c'était trop dur, tu sais. Avec le P-shooter, j'étais comme Simonac, c'est pas faisable. Ouais, tu peux changer les armes en faisant select. Quoi? Tu sais, le guide, je l'avais loué, il y avait pas le guide. On les a jamais, De toute façon, on comprenait pas l'anglais. Quelle belle révélation. C'était plus facile à deux armes. Mais c'est ça, mais même ça, tu sais, la musique, ça reste une des meilleures trames sonores. Que c'est bon. Ça n'a pas de sens comment c'est bon, ça te met dedans. T'sais, juste le début là, sur NES, moi, ça a été le meilleur début. Tu loues ça quand t'es kid, t'es comme « Shit! » fait. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Puis, tu sais, comme Mega Man 1, on dirait personne a joué à ça. C'est comme le premier album de Cypress Hill. T'sais, le monde a écouté après, là, quand ils ont découvert les autres albums. C'est vrai, ça. Puis, mais c'est parce que Mega Man 1 avait une pochette dégueulasse. Ouais. Tu rentrais dans le club vidéo, tu voyais ça, tu sais, les Capcom laser. Wow. Ouais. C'était tout laid. T'sais. Aujourd'hui, je trouve ça a un charme fou, mais, oui, mais, t'sais, mais dans le temps, c'était pas attirant, pas en tout. D'ailleurs, Capcom l'a niaisé. Ils ont ramené ce personnage-là dans Street Fighter Cross Tekken. Mais t'sais, il est dégueu, ce Mega Man-là. Il est quasiment bedonnant. Il y a un gun dans les mains. Ouais, dans le 2, sur le 2 aussi, il y a un gun dans les mains. Mais j'ai lu là-dessus, hein, c'est bien intéressant. Mais vraiment, non, un bon jeu, tu t'es partout. Ouais, là, puis la fin, quand tu marches, puis il y a les saisons. Ouais. Moi, là, j'étais ému. Là. Tu sais, j'étais comme. Oui. C'est un des premiers jeux qui avait. Bonne, belle fin. Exactement, au NES. Satisfaisant. C'était rare dans ce temps-là. Tu finis un jeu, t'es comme. Des fois, c'était genre, hey, thanks for playing. Tu sais, quoi? J'ai tellement travaillé fort. Mes doigts saignent, tu me dis ça, tu sais. Non, ça, c'était vraiment la coche, là. Vraiment. Play again. C'est ça. Press reset to play again. Oh, come on. Call the Nintendo Hotline. Super jeu, là. Mega Man 2. C'était malade. Sixième. On est rendu à toi, Dom. Ah, excusez. J'ai regardé les commentaires sur la vidéo. Écoute, ça prenait Castlevania. Puis moi, j'aurais pu en mettre genre 3 dans mon top. Vraiment? Ben, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. Mais celui que j'ai gardé, c'est Symphony of the Night. Parce que c'est celui dans lequel j'ai passé le plus de temps, bien sûr. D'ailleurs, ma game est encore présente sur ma memory card de PS1. Quand game même. De fou dans laquelle j'ai brûlé des heures quand j'étais au cégep, ça fait aucun sens. Moi, je jouais à ça, tu sais, moi, je grindais mon Alucard, là. Et puis, c'est ce qui a starté, on dirait, le style Metroidvania. Donc, très inspiré avec du backtracking, comme Super Metroid un peu. Et puis, beaucoup d'armes. Tu sais, un aspect RPG, un brin au sens que t'as beaucoup d'équipements, t'as beaucoup de stocks qui drop des ennemis. Chaque ennemi a deux affaires qui drop, un item, des fois deux items ou des fois une pièce d'armure. Et puis, t'as des formes que tu peux prendre, un loup, une chauve-souris. J'ai fait à 180%, puis à chaque fois que je vois des vidéos, je suis comme... T'as pas fait ça? C'est quoi cette habileté-là? Ce fond-là? Y'a-tu des boss en one-shot? Tu comprends rien. Ah non, c'est ça. Ben, y'a des épées tellement puissantes qu'il faut que tu grindes longtemps, tu tues le même ennemi. Tu sais, tu peux le tuer genre 300 fois là, avant qu'il drop finalement l'épée que tu veux. Là, t'sais. Et puis, tu penses que tu finis le jeu, là, c'est OK. Mais non, faut que tu le finisses d'une certaine façon. Ouais. Là, tu refais le jeu, mais le château est inversé. Tous les niveaux sont à l'envers. Puis ça, c'était comme « Wow, OK, là, ça se rallonge, ce jeu-là. » Là, ça se rallonge encore. Tu le finis à 211%, je pense, peut-être plus, quand t'as tout fait dans le jeu. C'est fou, pareil. Fait que pendant que Konami travaillait à faire Castlevania 3D au 64, ils ont comme donné ce projet-là à une équipe que je suis comme « Organisez-vous, là, équipe faites B, ça. » Équipe B, ouais, totalement. Puis ils ont comme créé un chef-d'œuvre incroyable. Et puis tout est beau, la musique est bonne. Chaque section du château est très différente. T'sais. T'as un underground. Tu perces des murs, t'es comme oh my god, tu débloques une grosse section de cartes. Tu savais même pas qu'il y avait ça. Là, mais c'est important à dire que ce jeu-là, pour l'époque, il était complètement là, contre. Tout ce qui était la mode ou la tendance. Il allait à contre-courant. C'était du 2D sur PS1. Là, t'étais comme. Tu sais, c'était pas attirant pour le monde de l'époque. T'sais, à moins que t'étais un gros fan de Castlevania, tu voulais des polygones. Donne-moi plus de polygones. C'est comme, du 2D. Puis tout à fait. Puis à noter que c'était un jeu plein prix. Il n'y avait pas de. En plus, il n'y avait pas de XBLA ou de PS1. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il était comme. C'était un pari audacieux, là, tu sais. Je pense qu'il était réussi. C'est un jeu qui est souvent comparé à Super Metroid. Puis, je l'ai trouvé plus le fun que Super Metroid dans la mesure où je trouvais que c'était plus fluide. Tu progresses de façon plus fluide dans le jeu. Tu te retrouves moins souvent. Il y a comme plus d'endroits que tu peux aller avant d'avoir les habiletés ou les items qu'il faut. Puis vu que tu montes de niveau aussi, ça te permet de traverser plus facilement à longue. Puis t'as une shop, t'achètes de l'argent. T'achètes tu ramasses de l'argent, tu ramasses du stock. Puis il y a plein de. Tu sais, il y a des affaires par rapport. Mettons, à un moment donné, il y a comme un confessionnal, tu rentres. Là, c'est une grosse musique lugubre. Puis il y a quelqu'un là qui s'assoit. qui s'en va. T'sais. Ça sert à rien. Là. C'est juste là. T'sais. C'est rien que pour te faire peur. C'est comme, ah, c'est comme, qu'est-ce qui se passe là? J'ai ouais. comme vu ou pas, j'aime pas ça. Il y a plein d'affaires de même. Puis le voice-over aussi est quand même très... Est devenu iconique, ah ouais. effectivement. What is a man? Cartoon. C'est un peu laid, tu sais, c'est devenu... Ça a son charme. C'est devenu une farce, là, ah avec ouais. le temps. Puis, mais il y a un côté touchant à Dracula aussi, tu comprends que... il aimait sa femme. Ouais. ouais. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Il y a un petit côté, touchant, puis tu sais, c'est son fils qui s'en vient le tuer, puis tout. J'aimerais dire que Lords of Shadow a repris un peu cette thématique-là, justement, d'un Dracula torturé ouais. qui a de la misère. Mais ils ont restarté le c'est un autre univers, c'est un autre canon. C'est d'autres choses. Mais j'essaye pas de vous ramener. Shadow, il repart de Dracula's Curse là, ouais. avec ces personnages-là. Tandis que lui, c'est la suite de Rondo of Blood. Puis c'est comme un, à côté, tu sais. Ouais. C'est un autre... Ouais, d'ailleurs, le début est vraiment cool où est-ce que t'es comme... Oui! Rondo of Blood, last stage. Puis là, t'es comme, oh shit, c'est la fin. Tu fais la fin de Blood. Tu bats Dracula super facilement, puis tu te sens super puissant. Puis aussi, quand t'arrives avec Dalukul au début, t'es super puissant. Puis Death t'enlève tout. Ouais. Là, j'ai vu qu'il y avait une façon de. Cheat! Ouais, il y a un cheat que genre tu te fais toucher par un ennemi en courant, je sais pas quoi. Puis là, l'ennemi te propulse bord en bord de la pièce où est-ce que Death est dedans. Fait que tu gardes tout ton kit. Tu peux partir direct en partant avec le gros équipement d'Alucard que tu pognes très loin dans le jeu. Puis c'est ça, ce jeu-là, il est rempli de twists de même, de cheat, semi-cheat, puis de clin d'œil, puis de... Ah non, c'est rempli de stock, là. Vraiment trippant. Jouer à ça, tout le monde. Regardez des speedruns, de ça. Ouais. Ils font des affaires fucked up. Là. Fait qu'après ça, on était rendu à la 5e position. Là. Top 5. C'est là que l'Internet se brise. Nick, take it away. Puis Mario aussi. Mass Effect 2. Yeah. Donc, tu sais, le premier Mass Effect, il était le fun. Ouais. Mais tu faisais les trois missions principales, puis tu t'en crissais du reste un peu parce que c'était pas super le fun, les side quests dans Mass Effect le premier. Mm-hmm. Puis là, dans Mass Effect 2, évidemment, t'as les quests principales. Puis là, pour chacun des personnages que tu recrutes, t'as une side quest puis qui est le fun. Puis là, tu t'attaches au personnage. Ouais. Parce que tu dis, ben, OK, là, je l'ai recruté, mais pour avoir sa confiance totalement, il faut que j'aille faire sa quest à lui, tu sais. Puis là, ça fait que t'as fait une quest pour chacun de ces personnages-là. Puis, tu sais, c'est ça qui était la force de ce jeu-là, c'était centré sur les personnages. Mm-hmm. Puis, moi, entre chaque mission, ce que j'aimais faire, c'est faire tout le tour du Normandy, parler à tout le monde, voir, oh, il dit quelque chose de différent, là, ça. La sous-intrigue avec ce personnage-là évolue. Puis là, dans le premier jeu, j'avais couché avec Lyra, puis elle était pas là. Puis il y avait Miranda qui arrive. Puis là, t'es comme, ah! Est-ce que je trompe Lyra? Tout le monde est tombé en amour avec Miranda. Puis ultimement, c'était un mauvais choix. Ouais, mais elle est génétiquement modifiée pour que tu tombes en amour. Exact, tout à fait. Mais tu sais, ce qui était merveilleux, là, c'est vraiment justement le lien que tu crées avec les personnages. Puis tu sais, quand tu retournes en Normandie, c'est le hub, tu sais, dans le fond, ton vaisseau spatial. Puis là, entre les missions, tu chill, tu parles avec le monde, tu sais, t'apprends un petit peu plus sur eux, tu sais. Puis là, tu parles à ton crew, même du monde qui n'ont pas rapport, tu sais. Puis il y a un côté, là, incroyablement, émotionnel. Tu t'attaches, tu sais, comme Mario a dit, tu dois gagner leur confiance, tu sais, puis... Tout ce que tu fais, ça a quand même un impact important. Dans le monde de Mass Effect, là, l'arbre décisionnel est incroyablement fou. T'sais. Moi, j'ai pas travaillé sur Mass Effect 2. Là. C'est cool que je dise qu'il est super bon. Là, ouais. j'ai pas de parti pris. Là. Mais tu sais, j'étais un fan de la série. Là, mais le 2, tu sais, il est tellement déchirant aussi. Puis tu sais, si vous êtes un genre de completionniste ou du monde qui aime... Moi, j'aime pas ça quand les personnages meurent dans des jeux, tu sais. Ouais. Il y a des fois que t'as pas le choix. Ça va arriver. Tu peux rien faire pour, tu sais. C'est ça qui était le fun dans le premier, à un moment donné, t'as comme pas le choix de... T'as comme le choix de deux personnages. Tu t'en sauves un, l'autre qui meurt. Tout à fait. Puis là, quand tu load ta game dans Mass Effect 2, ben ce personnage-là qui est mort dans ta game dans le premier, il revient pas dans le 2, tu sais. C'est que le gars qui a enregistré les motion capture puis les voice-over puis tout ça, il est pas là dans ta game du 2 du tout, tu sais. Ouais. Puis ça se poursuit dans le 3 aussi après. Ah ouais. Tu sais, c'est... Puis, tu sais, à un moment donné, dans le 2, il y a aussi d'autres choix que tu fais qui reviennent. Ah, t'avais décidé de sauver telle race plutôt que de te tuer. Puis là, il t'aide à la place de t'attaquer. Tu sais, des choses comme ça. Tout à fait. Puis, tu reviens à des endroits que tu avais vus dans le premier, la citadelle notamment. T'sais. Tout à fait. Puis, tu sais, il y a aussi quelque chose qui est intéressant. Tu sais, il y avait des petites mécaniques de grinding. Tu pouvais aller explorer les planètes. T'sais, c'était vraiment un mini-game dans le fond. Là. Tu lançais une sonde, tu regardais s'il y avait des ressources. T'sais. Moi, j'ai grindé 100% des planètes pendant une période où j'avais du temps. Moi, j'ai pas grindé pendant tout parce que j'étais comme, ça sert à quoi de faire les upgrades du vaisseau? Ouais, je sais. La je m'en suis rendu compte à la fin. J'étais comme, ça sert à rien d'upgrader le vaisseau. Il n'y a pas de combat de vaisseau. Ça sert à quoi? Ouais. Là, je fais le jump pour aller dans la dernière mission. Puis là, la moitié de mon équipe est morte. Mais c'est comme les personnages jouables. Là. Puis là, la moitié, ils sont morts. J'étais comme, oh shit, c'était pour ça. Puis là, j'ai fait, c'est pas grave. J'ai fait la décision. Je pars d'oublier ma game. Je vais continuer. Mario, tu sais, il aime le narratif. Moi, j'ai dit, c'est quoi cette boîte-là? Je suis retourné dans mon save game. Plus tôt, j'ai refait tout ce que je devais pour pas qu'il meure. Ça, c'est vrai. Là, parce que j'étais arrivé avec full team, là, j'étais comme. Il y avait personne qui est mort dans le Il y avait un côté paresseux où est-ce que je me disais, ça me tente pas d'aller grinder. Ah ouais, c'est pas grave si il meurt. Puis, tu sais, dans le 3, dans ton vaisseau, t'as une plaque. Tous les personnages sont morts dans le 1 puis le 2, puis ma plaque était pleine. Il y avait plus de place, tu t'es rendu à C'était vraiment triste. Ouais. Tu sais, puis après la dernière mission, tu peux quand même te promener dans ton vaisseau. Il était vide, là. Même la petite assistante là, que tu peux coucher avec un soir, elle était plus là à son poste. J'étais vraiment triste. Ouais. C'est ça, pour ceux qui connaissent pas la série, c'est possible d'avoir une romance avec les gens, tu sais. Donc, ton côté émotionnel peut être encore plus élevé, je dirais. Mais t'as des choix déchirants de savoir qui tu vas dater parce que l'autre, elle va être pisse contre toi, tu sais. Puis, peut-être juste pour finir, si vous décidez de jouer à ce jeu-là, tu sais, il y a eu la trilogie qui est sortie dans le fond. Ouais. Tu peux pogner les trois, puis ça doit se vendre 10$ là, maintenant. Là. Ouais. Super bonne idée. Puis faites des multiple game save, OK? Faites pas juste comme un bon vieux Uncharted où tu sauves tout le temps par-dessus ta game. Gardez-vous un bon backlog de save, là. T'sais, effacez-le pas avant d'avoir fini le jeu. Vous regretterez pas, là, parce que, tu sais, des fois, il y a du monde qui meurt. Puis pour le gameplay, il avait vraiment été peaufiné dans le 2. Le système de le combat était, le combat était vraiment plus, plus dynamique. C'était plus clair aussi, tu sais. Ouais. Vraiment le... OK, c'est un jeu de cover. T'sais, dans le premier, c'était comme pas toujours clair. Puis là, les personnages, les ennemis fonçaient sur toi. Puis là, tu mourrais tout de suite. Tandis que là, c'était clair. OK, c'est un jeu de cover. On l'assume. Et tout le temps, un cover, t'avances. Puis là, t'as un cover. Puis t'as aussi différentes classes de personnages avec différentes habiletés. Là. Ouais, non, c'est vraiment super. Puis honnêtement, si tu n'avais jamais joué, c'est un modern RPG action. Shooter, là, c'est quelque chose de. C'est la même veine des Dragon Age. Oui, tout à fait. Mais plus dynamique. Ouais. Si vous aimez des Halo, si vous aimez, Killzone, etc., vous pourriez faire un passage vers ça. Je trouve ça intéressant. Ben, c'est ça que tu peux y aller très genre, je fonce dans le tas, puis je laisse mes coéquipiers faire ce qu'ils veulent, ou tu peux vraiment comme les gérer, puis dire OK, là, tu fais comme une espèce de pause, puis telle habileté sur tel ennemi, telle habileté sur tel ennemi, puis là, t'enlèves la pause, puis ils font... Puis après ça, tu sais, t'es tout le temps en train de changer ta stratégie par rapport à ce qui se passe dans le jeu. Ouais, tu peux jouer tactique ou action. C'est ça. Hey, bon. Faut qu'on change, les gars. Là. Let's go, guys. Ouais. Numéro 4. On est en train de brûler le temps. Ah ouais, ça, c'est pas le bon gameplay, GF, encore une fois. Ouais, je mettais... T'as pas marqué Final Fantasy 2? Ouais, mais ça, c'est japonais, mais ah, ben c'est là, correct, j'ai super une erreur faire. On parlait du 2 américain. Donc, c'est juste le Final Fantasy 4 au Japon, on donc le 2 qu'on a eu ici en Amérique du Nord. Il est très élevé dans le top, et puis j'entends déjà le monde monter aux barricades parce qu'il est plus haut que Chrono Trigger. Puis parce que le 3... Le 3 est pas là, c'est ça. Mais c'est de ma faute parce que moi, le 2 a comme changé ma vie de gamer. Et puis, moi, j'ai joué à Final Fantasy 2 en premier comme RPG. Le premier RPG de ma vie que j'ai joué, c'était ça. Okay. Puis après, je l'ai emprunté à un ami, tu sais, puis je l'ai gardé là, pendant super longtemps. Puis quand le 3 est sorti, ben là, j'ai acheté le 3. Puis bien sûr, le 3, c'est il y en a du stock. Là. C'est comme le 2, mais comme avec plein d'affaires. Mais... L'histoire de Cécile puis de Rosa, ça reste dedans mon cœur. Je suis d'accord, puis Kane... Kane, là, qui, qui trahit, mais qui revient, puis qui joue avec tes sentiments. Tu sais. Il y a du monde qui se sacrifie, t'es là, qui se sacrifie, fait météo pour battre le méchant, pour sauver le crew. Palom puis Porom qui se transforment eux-mêmes en statue pour bloquer les portes qui t'écrasent. Edouard qui tu sais comme qui voit sa blonde qui est morte tu sais puis on dirait des noms de personnages de Watatata. Ah ben tu sais c'est l'interprétation probablement japonaise de d'une époque médiévale occidentale là. Mais oui l'histoire les personnages tu t'attaches puis juste la façon dont c'est fait tu sais c'est pas c'est des petits graphiques 8 bits mais pas très avancés parce que c'est un jeu qui est assez tôt là dans console Super NES mais c'est tellement bon, tu sais, comme tu as dit, le sens du sacrifice. Ça n'a pas besoin d'être plus que ça. Ouais. Le, c'est ça qu'il y a là-dedans. Le sens c'est du devoir c'est du comme, sacrifice. T'sais, c'est comme Demetan, tu sais, ben Roshi, là. C'est très japonais, tu sais. Ouais, exact. T'sais, ils tuent du monde puis ils te font brailler. C'est ça qu'ils font. Exact. Et la musique est totalement poignante et incroyable, tu sais. L'intro de cette tune-là, qui est l'évolution de la tune de Final Fantasy avec un petit peu d'instrument avant. Piano. Ouais, je sais pas comment le dire. Moi, c'est une de mes meilleures chansons aussi, de musique de jeux vidéo. Là, quand tous tu laisses aller, ça commence tout de suite. C'est ça que j'aime aussi. Dans le 3, il y a du stock, il y a du monde, il y a des affaires. Là, il est comme plus simple. T'sais. Ouais. Puis moi, ça me plaît ça aussi. Tu passes à travers ça assez bien. Là. Une belle, plein de beaux personnages, plein d'univers, un overworld, un underworld, des bateaux qui volent. T'sais, c'est Final Fantasy. Là. Tout à fait. Mais pur. Il n'y a pas trop de gadgets. C'est ça. Il n'y a pas de gadgets, exactement. Pas de bebel, pas de chrome. Là. Ouais. Pas d'affaires pour rien. Là, pas de rockabilly. juste des mots qui... du bon, pur, épuré Final Fantasy à son meilleur. Il y a sûrement bien du monde qui l'ont jamais fait d'ailleurs, puis qui ont commencé Final Fantasy avec le 7, cette affaire-là. Mais pour un 2D... 2D, on dit. Il est sur mobile en passant, puis il joue très bien. Ouais. Ah, mais je sais pas, moi, man, jouer à ça dans le sous-sol, les lumières fermées, la télé, la musique très forte, ça... Ouais. Ça te rentre avec dedans. Un écran, avec un bon écran, puis tu fais un avec la télé en jouant à ça, puis c'est bon. Mais c'est un super jeu, honnêtement. Puis j'étais au niveau, comme on dit, l'attachement au niveau des personnages, la série. T'sais, c'est quand même linéaire, mais c'est pas grave. C'était très bien. C'est un beau storytelling. Puis pour ceux qui ont joué à ça dans le temps, que je vous recommande The After Years, en fait. Oui. Qui était sorti en WiiWare. Également au PSP, en copie physique, il me semble. OK, très possible. Puis ça, c'est la suite de l'histoire, en fait. Vraiment intéressant. Là. Il continue, là, puis c'est aussi bon. Puis ils ont rajouté les combos attaques de Chrono Trigger exactement. Fait que c'est ce qui manquait à l'époque. Là. Ouais. Mais non, super jeu, en effet. Là. Super jeu. Numéro 3. Le top 3. Là, j'espère ne pas m'être trompé de gameplay. On va regarder. C'est encore nous deux qui va parler, Nick. C'est le bon, ouais, c'est le parfait. Parfait. Okay. Super Street Fighter 2 Turbo. C'est quoi ce version-là, finalement? C'est la dernière version là, jusqu'à ce jour, parce qu'il y en a une nouvelle qui s'en vient sur la Switch, de Super Street Fighter 2 Turbo. Donc, ils ont rajouté les nouveaux challengers. On voit Camille à l'écran. Il y avait DJ, T-Hawk, Phi-Long. Il y a la barre de super combo en bas qui avait rajouté la dimension complètement nouvelle. Puis, tu as tous les personnages qui revenaient. Plus d'animation, plus de technique. Plus de vitesse. Plus de vitesse. Puis, tu avais des petits trucs comme tu pouvais faire une passe-passe pour avoir Akuma. Tu sais, qui était un personnage caché, complètement brisé. Là. Ouais. Qui détruisait le jeu, mais c'est pas grave. T'sais. Ça, là, c'était comme je l'ultime coolness que tu pouvais faire à l'arcade. C'était de prendre Akuma. Puis c'était compliqué. Puis fallait que tu aies un magazine papier pour savoir comment faire ça. C'était une belle époque. Mais ce jeu-là, il est très haut dans le top parce que moi aussi, j'ai mis Street Fighter. Mais moi, j'ai mis Street Fighter 2, mais bon. C'est ça qui m'a fait découvrir les jeux de combat, en fait. C'est la première fois que j'ai joué à un jeu de combat, j'ai joué à Street Fighter 2 au Super Nintendo. Ouais. Puis wow, man, je ne revenais pas là, de comment c'était beau, que ça allait bien, tu sais. Puis j'avais jamais joué. Non, c'était ma première expérience. Un jeu de combat coloré. Moi, en fait, je l'ai découvert avec l'arcade qui est arrivé à Terrebonne, proche de chez nous. Puis On l'a pas eu. C'était 91 au Vidéo Choix, tu sais. C'était l'année qui est sortie même, là. Fait que c'était tout chaud, là, cette affaire-là. Non, c'est fantastique. C'est la première fois qu'on... C'était un jeu arcade qui était quand même assez accessible, pareil, là, tu sais. Ouais. Jouer à Mortal Kombat... Non, c'est pas accessible pas en tout, Mortal Kombat. C'était vraiment pas accessible. Puis ça, je veux dire, n'importe qui... Tu peux pogner Honda puis mâcher les boutons ou Chun-Li, tu sais. Blanca, juste faire de l'électricité ou des boules. Ouais. Puis tous les personnages sont tellement différents et intéressants. Là. Même ceux qui ont rajouté par après, il n'y a pas de filler vraiment. Là, c'est, sont tous filler est venu par après. Ouais. Dans Street Fighter 2, ils sont tous bons. Ils sont tous pas pires. Là. Ouais. C'est ce qui a défini en fait le jeu de combat moderne. Il y avait Street Fighter 1 qui était pas pire. Tu as eu toute l'affaire Your Hair Kung Fu. Pas pire. Non, mais c'est important que ça commence quelque part. Mais Street Fighter 2, lui, il a mis son pied à terre, puis ça a créé après ça, tu sais, les King of Fury, Fatal Fury. Ensuite, Mortal Kombat qui est spawné de ça quand même. Tout part de là, en fait. Mais la version Super Turbo, dans le fond, qui a été jouée très très longtemps sur les scènes compétitives, tellement elle était bonne, puis tu sais, Akuma était banni, mais à part ça, tu sais, la balance était écœurante. Disponible sur console, ça? Ouais, il est disponible sur Saturn, pas Saturn. 3DO. 3DO, tout à fait. Ouais. Il est disponible sur Dreamcast dans une version japonaise seulement. OK. Puis il se trouve aussi, je pense que tu peux l'acheter possiblement PS3. PS3, ils l'ont ressorti en remix. Oui. Mais tu peux jouer à l'original aussi quand dans les settings. Donc Xbox 360 aussi. Fait qu'il y a une belle façon de se le procurer. Là. Alors vraiment, là. Nice. C'est, mais on l'avait à Arcade Montréal, on l'a mis dans notre cabinet Street Fighter. Ouais. Mais il est comme. Il était tellement rapide là. Ouais. Tellement rapide là. J'étais comme wow là. Puis les clients, c'est. Ça faisait peur au monde. Fait que là, on n'a pas mis le turbo, on a juste mis Super Street Fighter là, pour calmer le jeu. Nice. Ouais. Mais en tout cas, jeu parfait de combat, tu sais, qui a inspiré tellement d'autres. Là, fait que fallait qu'il soit fort. Vraiment. Fait que position numéro 2. Le bloc. Eh oui, The Legend of Zelda, A Link to the Past. Il était là. Mm-hmm. Moi, personnellement, c'est ça qui a fait que j'ai finalement pogné de quoi avec Zelda. Parce que c'est pas avec Zelda 1 puis Zelda 2 que vrai. J'ai pogné de quoi. C'est un de ceux qui aiment pas Zelda 1, Zelda 2. Ouais, je fais partie des quelques-uns. Ben, moi, j'avais aimé, mais ça peut pas t'absorber autant que la première fois que tu joues à ça. Ça n'avait pas de bon sens. Là. Ça, pour moi, c'est le next-gen avant le temps, en fait. Ouais. Puis, tu sais, justement, comme... Je sais que c'est ça, tu sais, vous autres, ça a été Chrono Trigger pour la plupart d'entre vous, Final Fantasy. Moi, c'est vraiment ça qui a été le jeu qui m'a fait vivre des émotions avec un jeu qui a l'air de ça. Puis j'aimais vraiment la mécanique, les donjons, le fait de ramasser des armes spéciales pour battre tels ennemis. Je trouvais ça vraiment cool. Puis tout ça en étant super méga coloré une fois de plus, là. Ouais. Fun fact pour ceux qui lisaient le Nintendo Power dans le temps, à un moment donné, il y avait comme ils prenaient en entrevue des vedettes, je sais pas quoi, puis ils demandaient c'était quoi vos jeux préférés. Là, c'était le Fresh Prince avec DJ Jazzy Jeff. Jazzy Jeff, lui, c'était NCAA Basketball, là, ça c'était son jeu préféré. Mais Will Smith, lui, c'était Zelda, puis il disait, man, quand je joue à ça, je suis pas capable de décrocher. Là, moi, c'était pareil. Là. Puis même si je savais plus où aller, ben, je me promenais comme un malade, je me promenais, je tassais des buissons, je cherchais des cœurs, je me promenais, je sautais dans l'eau. Y a-t-il une craque ici? Y a-t-il une zone cachée? Ouais. Tu sais, puis ça en est rempli, là, de puis toutes les hosties de bouts de gazon, là, tu veux toutes les couper, puis tu veux tout enlever. Ah ouais, tu tournes, tu fais ta twist magique pour en couper plus d'une shot, là, mais... Exact. Non, puis ça te donne les outils dont t'as besoin assez rapidement quand même dans le jeu. Fait que ça se fait bien, tu sais, c'est un jeu qui est quand même assez facile d'approche une fois de plus, là. Mais c'est tellement un incontournable, tu sais, à l'époque, tu sais, c'était tellement wow, puis tu sais, ça a super bien vieilli, tu sais, puis c'est un graphisme très intéressant, tu sais. Ouais. Comme tu as mentionné, c'était coloré, puis c'était super qu'il ait fait comme ça, tu sais. Les donjons étaient assez différents au niveau des palettes de couleurs, tu sais, puis t'es comme... Tu sens que t'es ailleurs, il y a d'autres choses. Exact. Quand l'introduction... La zone où est-ce qu'il y a la Master Sword dans la forêt. Ah là, oui, avec c'est les petits animaux. Là. Ah, les petits animaux qui traversent. Ouais, Oui. Ça, tu sens qu'il y a quoi de gros qui arrive. De sortir, j'attends assez hâte de la sortie de la crise de paix. Mais ça a l'air que dans Breath of the Wild, quand t'arrives dans Lost Woods, avec la... Ah oui, t'avais dit ça. Les fleurs sont placées de la même façon que dans Link to the Past. C'est malade. C'est ça. C'est que c'est... C'est cœur. La musique en plus. La musique en plus. C'est bon timing. Wow. Alors, un jeu parfait. Là. Un jeu incroyable. Même si à Link Between Worlds. Ouais, j'aurais switché les deux places peut-être, mais en tout cas. Non, mais Link to the Past, yeah. Là, t'aurais fait brûler l'internet. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je suis quand même d'accord, moi aussi, comme Bruno. C'est un des jeux qui m'a fait embarquer le plus quand j'étais jeune. Mais c'est ça. Il y a ça aussi, tu sais, quand on a fait nos positions, c'est ce qui nous a formés en tant que gamer. Là. Et ça m'amène à la position numéro 1. Numéro 1? Oh! Super Bob-Z Mario 3D. Brother 3. Bob-Z 3D. Pas le bon gameplay, hein? Ah, shit, c'est le 2. C'est des acteurs, c'est ça. Quand t'as manqué, c'était le jeu de Burger King. Qu'est-ce qu'il y a de plus qui n'a pas été dit sérieusement? Je pense que la map du premier monde, à chaque fois que je la vois, je me sens bien. Ouais, c'est vrai. Hein? Ton happy place. C'est vraiment mon happy place avec les petits services qui dansent et tout ça. J'ai tellement fait ce monde-là, le premier monde. Là. Ah oui. Vraiment. Puis tu sais, quand on a fait la nuit blanche, là, nous autres, on était dehors, moi puis Eric, ouais. Sur un projecteur, puis on faisait jouer le monde au NES. Tout le monde voulait juste jouer à Mario 3. Man, si on a tous les jeux là, qui existent là, au monde. Là. Ah, on veut jouer à Mario 3! OK. Probablement un des jeux les plus connus, j'imagine. Ouais. Overall, toute l'histoire du jeu vidéo, c'est The Wizard. Ben, tu sais... Ouais, il y a eu le dévoilement au Wizard. Mais tu sais, c'est parce que ce jeu-là c'est quasiment aussi du next-gen sur la même console. Encore une fois. C'est le jeu qui a révolutionné la NES. Tu sais, les pattes secrets là, de... T'as pogné le P, puis tu voles, puis tu t'en vas quelque part. Il y a un warp zone complètement fou dans le premier... Ou penche-toi sur un bloc assez longtemps, puis tu vas aller en arrière du décor. Oui, c'est ça. C'est complètement disjoncté comme mécanique pour la NES. C'est comme fou, là. Il y a un truc qui m'obsédait quand j'étais jeune. Tu sais, quand t'es dans le screen avec les... Tu choisis le monde quand tu warpes. À gauche, il y a comme un petit morceau de terre. Oui. Ouais. Il dépasse. Puis j'étais comme, ah, il doit avoir quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ça veut dire d'aller là, tu sais. Puis là, t'essayais tout. Tu pesais toutes les pitons. Toutes les deux, trois pitons. Oui. Mais tu sais, c'est justement aussi, tu sais, il y avait quasiment rien comme contrôle. Puis Christy, c'est deep. Comme platformer, tu sais, juste les sauts, la façon qui répond à certaines textures aussi, tu sais, comme il y a des affaires qui rebondissent, qui font envoyer ton personnage plus haut, tu peux jouer avec ça. De pogner un petit item à la fin du niveau là, pour gagner des petits puzzles. C'est amusant, tu sais, les boîtes de Toad là, quand tu vas dans les champignons, tu sais, c'est tous les petits bonus, les frères marteaux qui se promènent, que tu pognes. Puis quand accidentellement tu faisais apparaître le bateau avec plein de sel. Ça, c'est impossible. Je pense que je l'ai fait une fois quand j'étais jeune. J'étais comme... Oh, c'était quoi? Moi, j'en revenais pas quand c'est arrivé. J'ai jamais lu les conditions pour faire bien. Il faut que ton score soit comme pair ou impair, puis que tu aies toutes les scènes d'un tableau, je pense du quatrième tableau dans le premier monde, ou je sais pas trop quoi, là, quelque chose comme ça. C'est vraiment comme touché comme condition, puis tu le fais accidentellement. Là. Il faut aussi mentionner que c'est l'introduction du Mario raton laveur, ça c'est correct. Mario grenouille. Oui, tous. Ah. Et le Mario tanuki qui se transforme en pierre. Tu sais, ça c'était hot. Ça c'était malade. Avec les hammers. Regardez aussi. Ça. Ah, c'était ça justement. Ouais. Non, puis moi aussi j'aimais énormément la direction artistique hammer, avec les Mario. Tu sais, tous les personnages étaient tout ronds. Tu sais, tout est attachant dans ce jeu-là. C'est tellement fantastique. Il est plus facile d'approche que le deuxième. T'sais, le deuxième, il y en a vraiment divisé plusieurs. Tout à fait. Ben, ça a été... C'est un excellent jeu. Oui, c'est un excellent jeu. C'est pas comme un Mario... On s'entendait pas à ça. C'est pas un platformer Mario typique. Non, c'est ça. C'est un très bon jeu, en effet. Tu sais, parce que quand tu regardes tous les Mario, là, le 2, c'est comme une classe à part. C'est comme une bébite. C'est comme une expérience, en fait. C'est l'enfant bâtard de la série. Ils ont essayé de quoi. C'est un rêve. Exactement. Colin, spoiler! Oh, excusez! C'est ça. Fait que that's it. C'était notre top 25. Top 25. J'ai tellement de stock là, ici. Il y a un autre jeu qui explique... cette espèce de monde de rêve là, c'est le subconscient de tout le monde dans le Mushroom Kingdom. C'est comme tous leurs rêves mis ensemble. Donc c'est presque un monde qui existe quand même. C'est tellement méta là. le subcon du Mushroom Kingdom. Wow. Hey, moi j'ai du stock. Puis Mario 3, c'est une pièce de théâtre. Ouais. Ça a été confirmé par Miyamoto. Ouais, exact. Puis Miyamoto aussi a confirmé cette semaine que son saut préféré, c'est le tanuki. C'est sûr, là. Comme tout le monde. Il se transforme en roche, man. C'était beau. Quand il y a une boule de feu, c'est comme... Quand il y a une boule de feu, tu fais descendre la petite patine verte que tu rentres dedans. Ah oui, c'est vrai, tu peux le monde 5, là, quand tu montes l'espèce de tour de Babel. Ouais. Puis après ça, tu te retrouves dans le ciel. Ça, c'était... Il y a un monde aussi géant. Ça, ouais, ça m'avait... Ouais, wow, je voulais le faire tout le temps. C'était tellement hot. super gros. Ah, les grosses affaires sur NES, c'est tellement cool, ça. Ouais, c'est gros! Puis le dernier monde, la deuxième partie du dernier monde était vraiment, vraiment difficile. Ouais, ouais. Je le finissais pas quand j'étais jeune. On crevait là. Ouais. Il y avait l'espèce de château avec 10 on n'avait pas cette portes. Chance-là. Il y avait l'espèce de forteresse avec 10 millions de portes que tu trouvais ouais. vraiment à la bonne. Ouais, ouais, ouais. Le prix là. Puis que t'en rêvais après, puis tu faisais Nintendo des Nintendo Power. En Nintendo Power m'a bien aidé quand j'étais kid. Ouais. Ouais. C'était l'Internet. Un gars qui triche. Ouais, écoute, dans ce temps-là, j'avais pas de Game encore, Genie. Fait que c'était l'Internet. Ouais, GF n'existait pas encore. Moi, j'avais le gros livre Nintendo là, avec des trucs que j'ai jamais lus parce que c'est des pages jaunes, écrites en anglais qu'on comprenait rien. C'était écrit en texte. Ouais, juste du texte, là. Colin. Bon. Ouais. Fait que c'était pas possible de tout mettre, là. On a chacun une liste dans le fond. Ouais, c'est ça. Exact. On se fera un autre top avec ça. On va se faire un autre top avec on ça. On s'est fait couper des titres, puis. Ah ouais, j'en ai coupé moi. J'ai pas participé à ce top en passant. Ouais, c'est vrai, toi, t'as je suis dans le 100, là, dans le top 100, mettons. Ah, il y a eu de la chute. Parce que je trouve qu'il manque des jeux de PC dans votre top. Ouais, Mario, il y en a. Mais il y en a qui n'ont pas fait la cote. J'aurais mis peut-être un genre de Warcraft 2 ou un Starcraft quelque part, ou un Counter-Strike. Pas Counter-Strike, Command & Conquer. Un de ces types-là, il devrait être Malice, moi j'aurais bien mis un Turtles in Time, Dotonpachi, Vanquish, Tetris, Dr. Mario. Ah ouais, Tetris. Super Metroid, Gran Turismo 3. Aucun jeu de course dans nos affaires, tu sais. Mm-hmm. Ouais. Contrat, c'est vrai. Dans le rétro, en tout cas, il y en a plein. Ouais. On va faire le top 100, comme on disait, puis exact. On va remettre... Mais c'est bien personnel, nous autres, parce qu'on joue pas tant à des jeux d'auto aussi. Si on jouait plus, on aurait plus de chars. Moi, j'adore les jeux de chars, mais on n'en parle pas. Pas assez, apparemment. Ouais, Mario Kart 64, ça aurait été mon top. Mais j'aime les jeux de chars arcade, moi, par exemple. J'aime pas la simulation. Je suis pas un gars de simulation. Et là, sinon, c'est le centième épisode. Oui. Puis là... Il est tard. Est tard. On a-tu le temps de faire ce qu'on on peut faire un petit 15 minutes. On peut faire un petit tour de table. On voulait juste comme... Là, ça a été plus long que prévu. Bien sûr. Évidemment. Mais on voulait juste repasser une couple de souvenirs de nouveau qu'on a en tête. Exact. Attends un peu, je vais sortir mon papier. Moi, en fait, si je commence, tu sais, Rétro Nouveau, c'était vraiment... C'était comme une drôle d'expérience au début parce que moi pis Dom, on se connaissait pas vraiment. T'sais, on s'est connus dans un party avec un ami commun qui est Seb Brutal, de Boulevard Brutal. Puis c'était cool parce que moi, en fait, c'est la première fois que je rencontrais un gars passionné de jeux vidéo. Ouais. Tu sais, à part de toi dans ma vie qui est passionné des jeux vidéo, il y avait Nick. Puis c'est ça, à ce moment-là, on était comme Christian, on devrait faire quelque chose comme ben, tout strip sur le rétro. Le podcasting était bien à la mode aussi dans ce temps-là, puis il est encore aujourd'hui, mais dans ce temps-là. On dirait le monde, je me pars un podcast. Puis comme il y avait une petite. Tout le monde commençait à partir de quoi? De monde qui startait des podcasts de gaming. Ouais. Fait qu'on a embarqué un peu dans le bandwagon. On avait des choses à dire. Mais c'était bien différent dans ce temps-là. Là, on faisait ça sur l'heure du midi. Oui. Là, après ça, on a switché. Tu partais de Musique Plus, venais chez nous sur l'heure du midi. Une demi-heure. Salut. On battait ça. Et puis après ça, on a fait ça à mon local. Ouais. Puis c'est là que JF a commencé. Ouais. Ouais, on a JF est venu nous filmer en fait à l'épisode 22. Sur les Turtles. Là, c'est le premier vidéo que j'ai fait en fait, le Turtle au NES. On avait lâché un appel de même sur Internet, puis Jeff est apparu. La réponse qui aura changé ma vie. Puis c'était un local, dans le fond, où est-ce que moi, j'avais ma business de design graphique avec deux autres gars, puis on était avec une autre business qui faisait du web. On s'était pris un local sur Masson, la Cadbury, l'usine Cadbury, là. Ça se transformait. Coin de Lerimier. Ouais. Fait que c'est ça. Puis on n'a pas été là longtemps, par exemple. Après ça, on a refait ça chez nous, dans mon salon brun. Ouais. Ça, il y a des vidéos de ça pas mal. Salon en Renault. C'était tout décalissé. C'était avant qu'on fasse des Renault dedans. C'est là qu'on filmait l'écran avec une GoPro. Avec une GoPro. Des fois, avec un cellulaire aussi. On essayait bien des affaires. On n'avait pas grands équipements. On avait une super bonne caméra, puis deux très pas bonnes caméras. Puis on essayait de faire le mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Là. Exact. Sur notre vidéo, il y avait deux likes, puis deux dislikes sur YouTube. Et c'est tout. Les deux likes, c'était vous c'est autres. C'est vrai. Ou vos blondes. C'était quelque chose. Mais sinon, moi, j'ai un de mes meilleurs moments, c'est le podcast, évidemment, l'épisode 7. Que ta blonde a brisé. Et a crevé ses os. Live. Elle m'appelle, c'est ça, l'épisode 7. Vous pouvez même l'écouter, il est disponible sur iTunes. Ah, il est sur rétronouveau.ca. Là, descendez jusqu'à 7 puis écoutez ça. C'est vrai, parce que ça commence. Ouais. Ça dure comme. J'étais pas là dans ce temps-là. C'était dans ma cuisine. Là. Ouais, ouais, c'était dans ta cuisine. Ouais. Ça dure. On fait nos affaires. J'annonce que j'ai fait Dirty Gary, un jeu de mobile. Puis je parle de ça. Puis là, le téléphone sonne. Puis là, de moi, ça devrait peut-être le prendre finalement. On entend ta blonde. On entend ma blonde qui est là. J'ai la maison! Il est en maison! OK, je... Journée de congé, maudit chanceux. Ouais, c'est ça. Je saute dans le taxi puis tout. Mais tu sais, c'était surréel. Puis ça a été pogné. Ouais. C'était pas... C'était pas arrangé. Là, c'est vrai que vous avez gardé l'épisode, tu sais, parce que c'est... Ouais. Ouais, il y a même... Bruno a rajouté une petite musique à la fin. Là, ouais, j'ai rajouté la musique fait fondre de le cœur. Yoshi Story. Puis, Island. Ce bébé-là nous a donné bien du trouble parce qu'après ça, on faisait les épisodes chez vous. Ouais. Aux deux semaines, je pense. Vendredi soir, je sais pas quoi. Puis on en faisait deux back-à-back pour pouvoir en sortir un, je pense, à toutes les semaines. Ouais, pendant que ton deuxième bébé dormait, tu sais, le soir, là, avec. Tout le temps, vas-tu se réveiller le bébé? Puis tout. Ouais, exact. Puis c'était super fatigant. Puis je me rappelle une fois, comme ça n'avait pas enregistré. Oui. On a recommencé l'épisode au complet avec les mêmes intonations. On refaisait les mêmes gags. Les mêmes gags, tu sais, les mêmes. Puis c'est quoi ta note ou whatever? Ouais. Qu'est-ce que t'as passé? On le savait, là, on était brûlés. Ça avait tout mais arrêté. Ça, c'est tellement arrivé souvent. T'sais, on a voulu s'équiper de très bons micros à un moment donné avant que JF arrive pour nous setter ça. Puis, man, on perdait tout le temps. Il y avait du feedback, du grichage, des épisodes au complet. On comprenait pas, tu sais. On recommençait. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas. Ouais. Ça faisait pas de sens, ce style. On sait pas pourquoi. Mais il y a une fois là, qu'on l'a enregistré une fois, fuck, ça marche pas. Okay, on recommence. Ouais. Là, on a vérifié à moitié, ça marchait pas. Ah, de la merde. Il n'y a pas de show cette semaine. Exact. Tu sais, tu fais trois fois le même show, ouais, là, le même soir. Là. Ah non, c'était tough. Là. Mais hein. Chance que Jeff est venu nous aider. Mais hein. Bon, ça n'a pas réglé tous les problèmes techniques. J'ai eu mon lot de problèmes techniques dans les épisodes qui ont suivi après ça. Là. Ouais. Dont un particulièrement que je suis très fier, celui dans ton ancien local, le petit local, 1,5. Sur Frontenac. Que Bruno a fait un remix de moi qui sac après les 20 techniques. Là. Ouais, c'est vrai. Je m'en rappelle même pas. T'as la casse de hey, chaque show, il y a un problème différent qui se pointe. Ben c'est tout le temps à faire. Là. C'est dur à prévoir. Là, on est quand même plus stable vu qu'on est chez nous. Là, ouais. Mais comme tantôt, on a un autre que j'avais pas prévu. Que, exact. Là, à ça, je le sais. Là. Non, c'est, sinon, c'est dans ce local-là que Nick est apparu. Ouais. Ouais. Là où est-ce qu'on avait introduit deux Nick. Ouais. Nick ouais. Chalifou et Nick Lachapelle. Ouais, qu'on est Nick Chalifou qui crissait son camp à Vancouver genre, pas longtemps après. Ah, ben, c'était terminé. Des raisons professionnelles, il pouvait pas continuer. Ouais, il travaillait pour Nintendo, fait qu'il pouvait pas. Non, je pense qu'il aurait pu pareil. Non, je pense que non. C'est vrai, Nintendo, il nous coupe toutes nos vidéos puis tout ce qu'on fait. Fait qu'il nous coupe aussi nos gars. Ouais, moi, je me rappelle ça. T'sais, Bruno, on avait été manger au Commensal. Hein, oui. Il m'a proposé de joindre le show. Puis j'écoutais. Là, j'étais comme, ah, c'est cool. Puis on a fait un pilote, en fait. Puis, c'était comme une audition. Ouais, c'était comme, j'étais nerveux. T'sais, j'ai préparé mes affaires. Je me rappelle, je parlais. Ah, c'était préparé tight. Là, c'était tellement tight. Je m'étais préparé là, fou. Là, c'était comme Fire Emblem, en fait, que je faisais. Oui. T'en as pas choisi en face. 3DS, non, mais, puis c'était vraiment le fun. Puis finalement, la chimie était bonne, ça a bien été. Puis justement, j'ai été introduit dans le show. Puis les rétros nouveaux TV, tu sais. Autant que je tripais à faire que genre, je dormais pas. Puis tu sais, à un moment donné, c'était tough pour tout le monde. Ouais, tu sais, à un moment donné, on alternait deux semaines un podcast, deux semaines une TV. Quand c'était la semaine podcast, c'est pas de travail cette semaine. Ouais, pour vous okay, autres. Les gars, pour vous autres, moi, je traînais mon ordi, mon écran, mes enfants. Ah ouais, Asti, t'en as traîné du bateau. T'es comme le drummer, toi. Je suis un Rudy un peu. Je suis comme le Rudy. Le char plein de stock, c'est dans le bon. T'es fait les faits, leur plug mon ordi de job le soir à minuit. Tu as besoin d'aide, Jeff? Ben non. Hey, le pire, c'est que même à l'arcade, avant qu'on vienne ici, à l'arcade, c'était la même affaire. Là, ça avait pas de bon encore sens. Encore du là. Stock, encore du stock. Man. Mais Rétro Nouveau TV, c'est quand même c'est des cristis de beaux souvenirs. Puis c'est bon, on est encore je fiers. Ça, c'est vraiment bon. Ça, je l'écoute déjà une petite larme, moi. Ah, c'est que c'était bon. Il y a du stock à TV, man. Comme tellement moins bon que ce qu'on offrait, puis tout l'effort qu'on avait mis là-dedans avec nos moyens. Puis c'est très propre, tu sais, parce que c'est bien monté, il y a du beau graphisme parce qu'on est là-dedans. C'était quelque chose. C'était de la sueur de front de quatre gars qui faisaient des affaires. Puis il y en a qui ont moins de skills que d'autres dans plusieurs affaires. Je me rappelle, j'avais, tu sais, les critiques fameux, 10 critique secondes. De 10 secondes. Ah, ouais. Ça a dû me prendre 8 heures, tu sais. J'ai amené Bruno et puis Dom étaient débordés, puis Jeff aussi, tu sais. D'habitude, c'est Toto qui faisait le graphisme. Ouais. Ah non, gars, je vais m'en occuper de mon propre graphiste. Je pense que c'est celui de Counter-Strike. Counter-Strike Zombie. Zombie. Là, j'étais là, oh man, moi, je connais pas les outils pantoute. Je faisais mes images. Les résolutions étaient tout croches. Ah, j'ai pas dormi une nuit pour le faire. Vous allez voir que ça dure. Ça durait 10 secondes. Allez le voir. Je me rappelle, un moment donné, t'avais une chronique. J'en savais. Ah, saviez-vous que. Ah, ouais. Oh, j'adorais ça, cette chronique-là. C'était super bon, mais ça durait, je mettons, 5 minutes. Ouais. Mais il fallait l'habiller visuellement. Oui. Tout à fait, c'était long. Hey, 5 minutes de chronique, mais 5 heures de graphisme. Oui, il fallait mettre des images à toutes les 4 ouais. 10 secondes. Là. Ouais. Puis des fois, on savait pas quoi mettre. Eh oui. Tu parlais de théorie ou whatever. Ah là, ouais. Tu une théorie. Mais c'était beau, les gars. Vous avez fait un super travail. Ah ouais, mais on a travaillé fort. Je sais que c'était, je sais que c'était ça, long. Là, c'était long à meubler. Ouais, en mais c'était long. On peut pas mettre de vidéo de rien. On peut pas mettre du gameplay. Ouais, ouais. Tu parlais de technique puis tout. Puis ouais. Moi, les historiques, man. C'était drôle. C'était tellement le fun de faire ça. Ça n'a pas de sens. C'était drôle. Ça, puis aussi, ben, c'est ça, il y a eu le... Il y a eu des bons let's play, là, ouais. Atari, quand on jouait à l'Atari. Ah, ouais. Grand Theft Auto 5, c'était drôle, honnêtement. Pourquoi j'ai acheté Atari? Ça? Strawberry Kid? Strawberry Shortcake? Strawberry Shortcake? Superman 64. Ah oui, Superman 64. C'était rough. Puis notre éditeur... Ben oui. En fait, moi, j'ai... Toi, t'as été le gars dans l'ombre pendant un bon bout de temps. Ben, j'ai découvert... Tu sais, avant ça, j'ai découvert Rétro Nouveau comme un fan, en fait. Je me rappelle pas à quel... C'était avant que Nick arrive, que je vous écoutais déjà. Puis je me rappelle pas exactement à quel moment, puis je me rappelle pas comment je suis tombé là-dessus. Probablement à cause de Monsieur Net, parce que j'écoutais Monsieur Net. Ouais. Puis probablement, je pense à un moment donné, j'allais suivre tous les Twitter de tous les chroniqueurs à Monsieur Net. Puis je suis sûrement comme ça que je suis tombé sur Rétro Nouveau. Puis tu sais, j'écoutais pas des podcasts pendant tout, puis en fait, j'en écoute encore pas tant, tu sais, à part les Mystérieux Étonnants, tu sais, je pense que le premier podcast que j'écoutais, c'était Mystérieux Étonnants, puis après ça, j'ai découvert Rétro Nouveau. Puis, tu sais, je vous écoutais, puis là, j'allais commenter, puis là, je m'obstinais des fois avec Bruno sur... Oui. Au début, je pensais que Bruno, c'était un hater de Nintendo, ça fait j'étais comme, ah, Steve... C'est ça, le pire. Il y a un tatou de Game Boy, tu sais. Oui. Mais, tu sais, parce qu'à Monsieur Net, des fois, c'était comme pas clair, parce que... Ouais. Parce que... il fallait tellement pousser des critiques rapidement. Puis des fois, j'étais quand même, man, vous avez manqué, passé à côté de trois quarts du jeu, mais en même temps, c'est normal. Puis comprends. C'est la télé. C'est ça. Puis donc, ça, j'ai découvert ça de même. Puis à un moment donné, vous cherchiez des blogueurs. Ouais. Là, j'ai appliqué. Puis j'avais écrit une critique de Child of Light pour Les Mystérieux Étonnants. Puis c'est ça. J'avais commencé à écrire. Pour vous autres, puis je vous écoutais, puis c'est ça, c'est ouais. Une chose à amener à l'autre, puis tu sais, comment tu gères le bar, ouais, ben ça, ouais. Puis parallèlement, tu sais, j'ai rencontré Dom au Funzo, les soirées, ouais, tu m'achetais du 64, c'est ça, j'ai acheté, oui. acheté Wheel of Fortune 64, le plus mint Wheel of Fortune 64 de toutes les dates, je te l'ai vendu. Yes, maintenant je l'ai revendu à Marc Gravel, il est vraiment heureux, là. Ça faisait longtemps qu'il convoitait, là. Ah, il va être bien avec ça. Puis, tu sais, je dis ça, tu sais, maintenant je suis dans le podcast, donc, tu sais, mais avant ça, tu sais, j'étais attiré par la qualité de ce que vous faisiez. Puis, mais le côté, le fun aussi, où est-ce que, tu sais, c'est comme pas trop formel, tu sais, c'est une discussion, vous avez du fun, puis ce fun-là est contagieux, puis tu te dis, ben, hey, j'aimerais ça être ami avec eux autres. Puis c'est ça qui t'est arrivé. C'est comme un rêve. Mais c'est le fun parce que c'est souvent c'est souvent le commentaire qui revient le plus souvent qu'on lit. Puis ça, je suis vraiment content de ça, en fait. Que le monde sente qu'ils ont... Je sais pas, qu'ils ont du fun quand ils nous écoutent. Puis, Ben, c'est parce qu'on a du fun quand on le fait. Fait que, c'est ça qui fait que ça marche. Puis que on n'est pas fake, tu sais. Non, on est 100%, on est 100% real. Ouais. Imagine, on ferme les micros, tout le monde arrive. Ah, on saillit. On est comme les Beatles. Oh, c'est ouais, c'est ça. Dans l'album blanc, on se parle pas. Puis... Il y a des articles sur Hollywood PQ. Saviez-vous que Bourret et Bruno Jarlet, ils pouvaient pas se sentir. Ah, c'est ça. T'appelleras mon assistante. Ouais. Ah, mais non, c'est vraiment cool. Puis moi, je veux vraiment remercier le monde d'être là encore après 100 épisodes. Plus que jamais, plus que jamais. C'est fou, là. Oh, j'ai vu Martin Hull ce matin, le geek camionneur. Ouais. Il est venu m'acheter des jeux de Super NES. Puis lui, man, il écoute ça depuis le premier. Puis il écoute ça dans son truck. Ça faisait super longtemps que je l'avais pas c'est vu. C'est vrai? Fait que, tu sais, il est là. Il nous écoute. Ah, il va nous écouter en différé. Il part mercredi. Mais il y a des fans de première heure. Puis moi, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il y a des nouveaux fans. Oui. Que, wow, OK, il y a un auditoire grandissant. Exact. Puis, au bar, il y a plein de monde. Quand je suis là, tu sais, il y en a qui osent pas me parler, puis il y en a comme qui catch qui que je suis, puis viennent me voir. Il y en a qui catch qui ma blonde est. Puis là, ils parlent du show à ma blonde. Ça arrive super régulièrement, tu sais. Ça me fait très, très, très plaisir, tu sais. Le monde est comme, hey, on va aller essayer le bar à Papa Gazette. À cause de Rétro Nouveau, ils ont entendu ça. Ouais, c'est cool, hein, moi. Ça me fait très chaud au cœur. C'est vraiment le fun. Ah, c'est vraiment cool. Puis on a vraiment du fun à le faire en plus. Fait que ça. Ouais. Je vois pas la fin, c'est trop le fun. Puis... On va faire 100 autres. Là. Ah ouais. On prépare le 200. Ben là, nos enfants vieillissent aussi. Comme Mario, le sien, il s'en vient. Mais toi, Nick, bientôt, là, tu vas pouvoir partir plus tôt de chez vous. Là. Ouais. On va pas commencer ça à 8h. On va être bien voir dans le pré-show éventuellement. Ouais, c'est vrai, tu vas être plus proche aussi. Toi. Ah, c'est vrai, ouais, tu vas déménager à côté. Il va être le premier ici. Il va nous baver. Il va nous faire des pieds de nez quand on va arriver. Il va partir le pré-show à 6h. À 4h30, je vais être ici. Ouais, c'est ça. Mais je travaille. Start une grosse game de Morrowind. Non, mais on a une bonne formule. Là c'est non, comme non, pas on... trop impliquant. Ben, c'est impliquant. Ouais. Mais c'est pas rushant. Puis on arrête de comme essayer de comme virer fou avec en donner plus. On veut en donner plus, mais on le fait de façon intelligente, sans se brûler. Exact. Mais on trouve des solutions efficaces. Comme le pre-show, ça en était une comme bonne le façon de donner ça plus. Ça marche, le pre-show, les gens y apprécient, puis nous autres, ça nous demande pas grand-chose. Il y avait plein de monde qui écoutait, qui était des Patreons, fait que c'était vraiment le fun. Ben, ils écoutaient toute la gang, je pense. Non, mais là, le monde commentait. La semaine passée, on dirait que ça a pris le monde par surprise, mais là, il y avait du monde qui commentait sur le post, puis sur le YouTube live. Fait. Ouais. Non, c'était bien. Puis tu sais, juste existence des Patreons. C'est récent, ça, là, pour nous autres. Là. Puis, man, ça change beaucoup de choses. Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide en maudit. Là. Ça nous porte beaucoup plus loin. Là. C'est très apprécié. Ouais, exact. D'ailleurs, des grandes surprises pour le prochain pre-show des Patreons. Là. Ouais. Moi, je vais donner des trucs capillaires au prochain. Ah ouais? Oh, ça, j'ai hâte. puis c'est ça. On jouera à Snipper Clips au prochain ou quelque chose du genre. Oui, on jouera à Switch en pre-show. Là. Ouais, ça serait le fun. Parce que ça, tu m'en parlais de jeux de Switch, fait qu'on on sera déjà. Il y a King of Fighters 98 qui est sorti. Ah, mais c'est trop cher. Ouais, c'est trop cher. Il y a pour ça, man. Mais c'est un excellent sens. Mais je suis curieux pour les jeux de combat. Les Joy-Con. Ouais, les Joy-Con, ça va être cool. C'est, mettons, on se fait une petite game de Street Fighter. Mais oui, on va savoir parce qu'ils sortent Street fait Fighter. Pour ça. Ouais, c'est ça. Puis d'ailleurs, les Joy-Con. J'ai vraiment hâte de voir. Curieux ça. Ils ont dit que les Joy-Con sont compatibles avec le dongle qui se bloque dans la NES classique Wi-Fi. Ben, Bluetooth en fait, là. Ok. Fait que tu pourrais jouer avec les manettes, les Joy-Con, sur la NES classique. Pas de fil. Fantastique. Next level, ça va être ça. Mais, hein. Wow. Ça, c'est hot, là. Ça pas pire pour vrai. Ça en vient pas pire. Mais là, c'est justement, ça s'en vient trop facile. Puis on en jasait un peu avant le show. Ben, c'est ça. Là, on a une bonne formule, mais faut on pourrait l'améliorer. Ouais. On peut apporter des changements quand même. Ouais, je pense qu'on pourrait amener des changements. T'sais, on l'a fait auparavant. Ça a pas mêlé le timeline vraiment. Non, pas du tout. Ben, ça a plus ou moins marché, mais tu sais, il est jamais trop tard pour améliorer ce qu'on a. Puis il y avait du bon là-dedans. On va ramener de ces éléments-là, je pense. Tu sais, il faudrait. On pourrait partir le naming à zéro, là, que le monde soit, tu sais, tout le monde est au courant. Ouais. On passe zéro. On a fait nos 100 premiers épisodes, là, on arrête ça là, puis on recommence à 1 dans le fond. Ouais. C'est comme tourner la page, comme un nouveau chapitre. Ça pourrait être ça. On pourrait faire ça. Genre rétro 1, nouveau 2. 1. On pourrait sectionner ça, segmenter ça. Ça. avoir plus de contenu, mais moins long, genre peut-être des 15 minutes. En sortir à tous les jours. Ouais, en sortir à tous les jours. On a à la fait place. Ça pendant un bout, là. C'était pas trop fatigant. Le monde était comme crime, je suis flodé de YouTube. Le monde capotait, ça savait pas quoi penser. C'est peut-être la façon d'y aller. C'était tout bon. Crime, on change tout, man. On change tout. On change tout. Ah, puis de la main, on s'en va sur Véro.tv.